direct du salon des studios York Media. Vous écoutez l'épisode numéro 97 de la saison 2019-2020 de la soirée du podcast. Yeah. Ah, je suis la caméra comme ça un petit peu en partant. Voilà, donc salut tout le monde, Jeff. L'alignement de départ en fait pour le podcast de ce soir, le numéro 31, Jeff Mallette, et votre animateur, le numéro 75, Jeff Cromp. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Santé. Bon été tout le monde. C'est notre épisode traditionnel du repêchage, mon GF. Notre Super Bowl. Yes. En fait, dire en commençant que la soirée du podcast est une émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par les gauchos. Puis dire que c'est pas notre format habituel, en fait, là, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ce soir, de faire le draft comme ça. C'est une tradition qu'on a depuis maintenant comme 3-4 ans, je pense qu'on se disait. C'est notre quatrième édition. Ouais, donc ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on suit le repêchage en direct et puis on le commente pour vous. D'habitude, on est assis là au bord, là, que vous pouvez voir derrière nous. Mais là, pour l'occasion, on s'est assis devant la télé. Et pour ceux qui se demanderaient, juste pour arranger quelque chose ici comme ça, voilà. Pour ceux qui se le demandent, oui, on va vous présenter en duplex comme ça. Ce qui se passe pendant que ça load en ce moment, c'est direct quand je le monte, c'est là que la caméra freeze. Bon, c'est reparti, mais en fait, on va écouter live et on va vous montrer en même temps qu'est-ce qui arrive. Et puis, plein de sujets pour vous. Donc, venez commenter avec nous si vous êtes en direct. On est sur Twitch, twitch.tv/YorkMedia, sinon Facebook Live, le Facebook de la soirée du podcast. Puis, la soirée du podcast.ca aussi, le Twitch est dessus. Donc, voilà. Fait qu'on est, on part pour. J'espère qu'on ne sera pas 4 heures live comme l'année passée de JF. Ça serait intense, là. J'aurais manqué de salive aujourd'hui. L'année passée, on repêchait 3e, puis on avait été vraiment jusqu'à la fin, puis ça n'avait pas de bon sens. On avait été coupé par Facebook parce qu'on n'avait pas mis le temps limite. Ça ne devrait pas arriver cette année. Ça commence dans 8 minutes, le repêchage en ce moment. Il est 7h52 pour ceux qui sont en direct et qui ne savent pas l'heure. On a des sujets quand même entre-temps à parler. Ouais, beaucoup de stock qui s'est passé dans la Ligue nationale. Hey, la saison 2020. Je pense qu'on est rendu à la 8e saison de la soirée du podcast. Ah, c'est quelque chose pareil. Allez voir sur notre site, tout est là. Si vous voulez écouter des archives de nous qui parlent des matchs de 5 ans. Là, Oh, oui. Il y a du monde des fois qui m'écrivent. « Hey, ça c'était drôle, tel l'épisode 32. » L'épisode 32, c'était comme en 2014. C'était quel sujet? De quoi tu parles? Esti. Ouais, mais en fait, c'est le show de l'année que j'aime le plus parce que c'est le show dans lequel j'ai le moins à me préparer parce que c'est littéralement JF ici qui fait tout, qui a toutes les notes et puis moi, je commente les coupes de cheveux. C'est ça. Voilà. Tout est ici. Mes notes que j'ai prises pour le repêchage de cette année, beaucoup de monde se pose tout le temps la question, c'est-tu un repêchage qui va être bon? Y a-tu de la profondeur? C'est qui le premier gars? C'est-tu une super vedette? Y a-tu un Crosby cette année? Y a pas vraiment de Crosby, mais je pourrais dire qu'il y aurait un genre de Mike Modano, ce qui est quand même bien. Pas négligeable, pas méchant. Fait que ce gars-là, c'est Jack Hughes qui est la tête d'affiche du repêchage. Puis il y en a même un autre aussi qui est une bonne tête d'affiche, là. C'est Capo Caca. C'est-tu ça son nom? Non, Capo Caco. C'est mêlant un peu parce qu'il y a plusieurs cas. Si c'était caca, je l'aurais pris tout de suite, mais. Non, c'est ça. Puis le gars a connu un très bon tournoi U18. Écoute, il y a beaucoup d'highlights sur ses buts. Ça, j'ai comme l'impression que c'est un autre genre de Patrick Laine, mais moins gamer. Fait que. Moins de Fortnite dans ses habitudes. Exactement. Donc, c'est les deux grosses têtes d'affiche. Puis pour ce qui est du reste. Il y a beaucoup de talent. Dans le fond, ce que j'ai entendu dire aujourd'hui, c'est que les 10 joueurs qui vont être repêchés dans les 10 premiers rangs, c'est des joueurs qui auront de très grosses chances de faire le club dans la Ligue nationale dès maintenant. Pour ceux qui s'intéressent à des pôles de hockey, des cases recrues, mais ça pourrait être des noms qu'on va retrouver dans le top 10 aujourd'hui. Si les joueurs ne font pas l'équipe, c'est qu'il y a vraiment eu un problème au niveau du joueur, une blessure ou quoi que ce soit. Fait que oui, c'est un bon repêchage dans le top 10. Mais après ça, il y a quand même beaucoup de talent aussi à l'attaque. Mais c'est des projets, je dirais, de 2-3 ans. Comme le Canadien repêche 15e, ça serait surprenant qu'il commence l'année à Montréal. C'est pas comme Kotkaniemi. Souvent, c'est le top 3, top 5 qui sont les chanceux dans une année qui vont commencer direct, qui sont prêts pour la NHL. Sinon, ils vont aller s'entraîner les mineurs, là, ce qui est une bonne chose souvent. Là. Pour le développement, ben là, c'est ça qui est le fun. Fait que le top 10, c'est peut-être des joueurs qui vont être prêts maintenant. Kotkaniemi, pour vrai, aurait pu ne pas être prêt cette année. Puis ils l'ont fait jouer parce qu'il démontrait une amélioration. Puis c'était bon pour lui d'être. Il a quand même tassé Plekanec. Ouais, complètement. Il a envoyé Plekanec à la retraite. Là. Exactement, tu sais, dans le fond, le Canadien a joué son bien match, puis a crissé son camp. Mais Kotkaniemi aussi, il va avoir 19 ans le mois prochain. C'est vrai. Fait que c'est une autre affaire, j'ai su par mon nettoyeur aujourd'hui. Robert, je te salue. Kotkaniemi, dans tous les sports professionnels, mettons basketball, baseball, football, Kotkaniemi est l'athlète le plus jeune actuellement. Fait que c'est surprenant, chapeau à Kaka. Fait que. Quand après ça, j'ai dit, Jeff, je vais aller chercher un autre fille, je trouve qu'il me gosse et l'autre beaucoup, celle-là. Pas de problème. Alors, au niveau, mettons, dans la tranche 10 à 20, c'est tous des beaux projets de 2 à 3 ans pour les clubs qui vont repêcher le joueur. Au niveau des défenseurs, ce qui est surprenant cette année, c'est qu'il y a un défenseur qui sort du lot, qui est vraiment bon, qui pourrait sortir dans le top 3. Son nom, si je le prononce bien, c'est Bowen Byram. Après ça, le deuxième meilleur défenseur, là, il va y avoir plus d'opinions, je vais vous nommer les noms plus tard, là, mais il y a des fortes chances que le Canadien repêche le deuxième meilleur défenseur de ce repêchage au 15e rang. Il y a beaucoup d'Américains cette année. On dirait que c'est comme leur année de gloire au niveau des programmes. Alors, ça se peut qu'il y en ait, je dirais, facilement le tiers qui soit repêché en partant ou en première ronde. Même dans le top 10, je pense qu'on pourrait avoir le tiers des joueurs qui seraient des Américains. On a des jeunes ici, Américains, que je peux vous nommer. C'est Trevor Zegras, Alex Turcotte. Turcotte, en tout cas, Turcotte, là. Jack Hughes aussi, qui est un Américain. Un autre joueur que j'apprécie beaucoup puis que je n'irais pas qu'on repêche si jamais on décide d'aller vers ce chemin-là, c'est Cole Caulfield. Il y a des défenseurs aussi américains. Alors, c'est intéressant d'avoir de ce côté-là. Puis même plus tard, je vais vous parler aussi du programme américain que aujourd'hui plus que jamais, attire l'attention de tous les jeunes joueurs qui veulent faire carrière avant de step up dans la Ligue nationale. Il y a des jeunes dans la Ligue majeure du Québec, il peut y avoir dans la Ligue d'Ontario, mais des États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui évoluent et étudient cette option-là pour aller au States direct. Fait que c'est sûr que ça va faire mal pour le hockey au Canada dans le junior. Alors, c'est super intéressant ce qui va arriver. Aussi, au niveau des rumeurs, beaucoup de clubs sont à côté ben raide au niveau de la masse salariale. Ils vont-tu chercher à se débarrasser de certains joueurs pour aller chercher des choix repêchage? Je pense à une équipe comme les Leafs, que leur couleur de chandail devrait être brun au lieu d'être bleu. S'il y a des fortes chances qu'ils essaient de faire de quoi asseoir, d'après moi, non, ça ne pourrait pas arriver, mais ils n'ont pas de choix au repêchage. Ou sinon, si on regarde le contraire, une équipe comme Colorado, qui ont le 4e choix total ce soir, il y a un autre choix de repêchage en 16e ronde. Ils vont-tu échanger leur 16e choix pour aller chercher un joueur qui va pouvoir les aider dès maintenant? C'est fort possible. Fait que c'est ce côté-là, surtout, qu'on va regarder pour voir un peu où ce qu'on en est. Tu as des équipes qui n'ont pas fait les séries, comme les Panthers de la Floride, qui pourraient se retrouver en position de... Comment je pourrais dire ça? Ils ont le goût d'aller all-in cette année. T'sais. Fait que ça se peut qu'ils changent leur premier choix aussi pour aller chercher un élément qui peut les aider dès maintenant. Avec l'arrivée de Joanne Kelville, des joueurs jeunes de 23 ans comme des Barkov, des Trocheck, puis des Huberdeau et de ce monde, c'est tous des joueurs qui sont extrêmement talentueux, qui forment une très bonne équipe. Aaron Ekblad, fait que ça se peut que les Panthers décident cette année de vraiment faire un genre de petit reset pour partir à zéro. Fait que ça serait intéressant de voir de ce côté-là. Les Panthers actuellement repêchent 13e. Alors, sur ça, le Canadien de Montréal, alors il y a plusieurs rumeurs aussi qui les entourent. On va faire le tour petit à petit pour savoir un peu qu'est-ce qui pourrait arriver. Est-ce que Bergevin va être plus stable? Je dirais pas plus stable, mais dans le fond, il va-tu faire comme l'année passée où il n'a pas bougé du tout pendant le repêchage, à part aller chercher les joueurs? Il y avait beaucoup de rumeurs au niveau de Max Pacioretty, savoir s'il a été changé au repêchage. Il y a même eu des rumeurs qui disaient qu'il avait avorté une transaction avec les Kings de Los Angeles, puis par magie, du jour au lendemain, ce qui est arrivé, c'est que Pacioretty a crissé dehors Pat Brisson pour s'en aller avec le gars le plus crosseur qui existe sur la terre, Alan Walsh. Fait que ça aussi, c'est une autre manière. Mais il faut faire attention, par contre, parce que c'est facile, GF, de faire une transaction dans la Ligue nationale de hockey. Marc, il dit que c'est difficile, puis il a raison. Pourquoi c'est facile? Parce que si le Canadien voudrait aller chercher un joueur facile, rapidement, mettons, un mauvais contrat. Je vais donner un exemple. Il y a des rumeurs sur Christopher Le Temps. Ah, non. Là. Il est fragile, Le Temps. C'est un gars qui a 32 ans, mais on dirait qu'il en a 38. Il est payé 7,25 millions par année. Il est temps à une commotion de mourir. Oui, anyway, Chris Le Temps, là, en ce moment. C'est ça. Fait que, honnêtement, je pense que ça serait facile pour aller chercher ce mauvais contrat-là des Penguins de Pittsburgh. Mais l'affaire qui arrive, c'est que je pense pas qu'il va nous aider. Il faut penser aussi à l'année prochaine. L'année prochaine, tu as Max Domi qui va être dû pour renouveler son contrat. Il est payé 3,1 millions sa masse salariale présentement. Je pense qu'il va facilement chercher le double. Ah ouais, sûrement. Fait que, on salue dans le chat Twitch, il y a Maximum 18 qui nous salue, puis il y a Walibi qui dit que Mark Verge dit tantôt qu'il ne bougerait pas à TVA Sport. C'est qui ça, Mark Verge? C'est Mark Verge Bergevin. OK, je pensais que c'était Mark Verge qui disait ça. Fait que c'est un analyste de TVA Sport qui dit qu'il ne bougera pas. Non, c'est Marc Bergevin qui a dit « je bouge pas ». C'est Vergevin. C'est des jeux de mots, hein, Jeff. OK. Montreal Expo One, bon retour à Montréal. Ça peut être vrai, mais je serais extrêmement surpris que Bergevin ne bouge pas. Peut-être pas à soir. Je pense qu'il n'y a pas pour vrai. Puis tu sais, il peut se passer des affaires rapidement sur des tables de discussion. Parce que Bergevin, là, c'est sûr et certain que depuis, je te dirais, facilement un mois minimum, le gars, il check partout pour voir toutes les possibilités qu'il peut faire pour améliorer son équipe. Il y a la décision aussi de voir est-ce que ces jeunes espoirs, il va les donner pour chercher un gros joueur ou il va les garder. T'sais, es-tu prêt à se débarrasser d'un gars comme Ryan Poehling, qui est le joueur convoité par les Sabres de Buffalo quand ils voulaient échanger Ryan O'Reilly? Ils ont même demandé le premier choix total, Kotkaniemi. Imaginez si on aurait donné Ryan Poehling puis Kotkaniemi pour Ryan O'Reilly. C'est ça. Fait que ça aurait été une grave erreur, pour ceux qui se posent la question encore. Alors, ça va commencer à quelques instants, JF. On voit déjà les images à la télé. On va vous mettre ça quand ça va être intéressant, en fait. Donc, ça s'en vient. Ça se passe à Vancouver aujourd'hui. L'année prochaine, à Montréal, d'ailleurs. Oui, ça a été officialisé à Montréal. Pensez qu'on est capable d'avoir des accréditations médias et aller vomir dans la foule comme les joueurs des Blues. On pourrait essayer. Genre, on leur dit qu'on est des pros. Pour ceux qui n'ont pas vu les joueurs des Blues, il y a un gars qui est tombé en bas d'un chariot pendant la parade. Puis un gars qui a vomi dans une convertible. Ça, c'était correct. Barbatchev. Le gars qui tombe en bas, c'est correct, c'est drôle. Mais le gars qui vomit dans une convertible, sacrément. Là. Yeah, ben, le pire, c'est que je pense que la parade est en avant-midi. C'est ça en plus, là. Tu sais, c'est comme dégueulasse, là, mais gars. Ils ont probablement essayé de faire comme Ovechkin, qui était sur une brosse depuis un an et demi, là. Mais même, on a vu des photos de David Perron dans un strip club cette semaine, puis il avait l'air d'avoir le corps de gars qui boit beaucoup de bière, tu sais. On va vous le mettre en tout petit comme ça, juste pour montrer ce qui se passe ici, mais tantôt, on va être en duplex, mais là, c'est juste parce qu'il se passe absolument rien. Puis c'est des analystes on sait pas quel pays. De Sportsnet, probablement du Canada. En tout cas, ce qui me surprend beaucoup, c'est que Brian Burke est là présentement. Brian Burke, je vous rappelle, ça a été... Le gars, pour la première fois de ma vie, je vois Brian Burke s'attacher une cravate. Ce qui est surprenant. C'est probablement une cravate avec une clip que tu mets directement en haut et que tu fais rentrer comme ça. Oui, puis il est fait comme un Lego, en fait, là, je pense. Pis ça, c'est un des gars qui était DG à Toronto pendant un certain temps, qui était cherché Dion Phaneuf, Jean-Sébastien Giguère et de ce monde. Montreal, Montreal Expo One demande si le fait de pouvoir réunir les deux frères Suzuki pourrait donner pourrait tenter Bergevin d'essayer d'aller chercher, en fait. Ça pourrait être possible. C'est là que moi, je pense, au repêchage, il y a beaucoup de monde qui dit qu'il faudrait qu'on repêche selon nos besoins. Il y a une fois que le Canadien a repêché selon son besoin, ils ont repêché David Fisher au lieu de repêcher Claude Giroux. David Fisher, calisse. Je viens de dire que les joueurs entre 10 et 20, c'est des joueurs qui vont être prêts d'ici 2-3 ans. Le besoin que tu as aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 2-3 ans, ça va être le même besoin que tu vas avoir parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Mais dans ton pool de joueurs qui s'en viennent du Canadien, il y a beaucoup d'attaquants et de centres. Fait que clairement, le besoin est au niveau de la défense. Là. Définitivement, mais je pense qu'on devrait repêcher le meilleur joueur disponible. Fait que si c'est un attaquant qui est disponible, mettons Cole Caulfield, là, ça a l'air que le gars, c'est un marqueur, là. C'est un finisher, c'est un Alex DeBicrat, que je sais pas, je prononce bien son nom. Là. Mais je sais pas de qui tu parles. Si ce gars-là est disponible, je le pognerais, sti. Ben, ça va être dur à suivre. C'est ça qui est le fun. D'autres, Jeff, si on peut donner une prédiction tout de suite avant que ça commence. Ouais. C'est le défenseur américain Cam York. Mr. York. Qui est vraiment moulé pour la Ligue nationale d'aujourd'hui. C'est un excellent patineur. Il produit offensivement. Je pense que le Canadien va aller vers ce joueur-là. Puis qu'est-ce qu'on a vu des nouvelles cette semaine puis la semaine dernière? C'est que le Canadien a démontré un intérêt par le fait qu'ils l'ont interviewé, puis ça a été vraiment long. Il a avoué aussi aux médias que genre, le Canadien a passé beaucoup de temps avec lui, qu'ils ont posé des questions et tout ça. Ça peut des fois être un indice, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Mais moi, je pense que ça pourrait être lui, puis ça pourrait être un bon fit. Écoute, il vient du collège, il s'en va au Michigan, il produit des bons joueurs. Fait que pour moi, ça ne serait pas surprenant. Puis oui, GF, des défenseurs du côté gauche, on n'a pas une pelletée. Fait que ça pourrait être un choix logique pour le Canadien. On vient de voir un autre espoir qui va être repêché dans le top 20 facilement. Brobauer, en fait. Bowen Barham? Philip Broberg. Brobauer. Broberg. Voilà, je n'ai pas l'annoncement. J'ai pas les noms devant moi, en fait. C'est toi qui les as, mais. Broberg, effectivement. C'est ça, lui, un défenseur gaucher. T'sais, c'est sûr que si le défenseur est disponible au 15e rang, c'est un des défenseurs les mieux cotés de ce repêchage-là après Byron Bowen. Fait que, go, Asti. Moi, je prendrais ce gars-là aussi, mais. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas c'est quoi les besoins, on ne sait pas s'il va y avoir des transactions. Fait qu'on espère de tout notre cœur que ça va brasser à soir puis qu'on va échapper notre micro puis capoter. Ouais, j'espère que, on espère que Bettman va aller sur le stage en disant « We have a trade to announce » puis qu'on va enlever nos écouteurs puis qu'on va monter le son, savoir ce qui se passe pour vous le décrire en direct. Mais vous aurez les images de tout ça. Jeff, il y a eu cette semaine des nouveaux règlements qui ont été sortis pour la Ligue nationale? Oui, les reprises vidéo, en fait. Là, on a des reprises vidéo pour les hors-jeux. On a des reprises vidéo pour l'interférence du gardien de but. Là, il va y avoir une troisième option, c'est les reprises vidéo pour des jeux qui se passent en zone offensive. Est-ce que le puck va pogner le net en arrière pour aller dans la foule? Est-ce qu'il va y avoir des passes avec la main? C'est tout des cas qui est arrivé dans les playoffs cette année. J'ai-tu vu que quand ils vont descendre une pénalité, il va falloir absolument qu'il y ait la reprise vidéo pour les 5 minutes. Ah, pour les 5 minutes, OK. À cause de ce qui est arrivé en première ronde avec Vegas puis San Jose. Arrêtez de brailler Vegas, là. C'est ça. Fait que là, ça va être une autre étude. Puis une autre affaire qui est intéressante, JF, c'est qu'à cette heure, quand ils vont... Tu sais, les coachs peuvent faire des, mettons, des interventions illimitées pendant la game. Ah oui, OK. Sauf que si, mettons, il demande une reprise vidéo puis que finalement, il n'y a pas raison, pénalité mineure au banc pour delay of the game. S'il leur fait une deuxième fois, puis que c'est encore une fois, que c'est pas vrai, 4 minutes. Fait que c'est 2 minutes ou ça, tu vas avec 4 minutes, fait que t'es mieux d'être sûr de ton coup. Excusez, je voulais pas faire ça dans le micro. Fait que ça, pour moi, c'est une bonne affaire, c'est cool. Le plus que jamais, Kirk Muller va devoir apprendre à utiliser son iPad pour pouvoir checker les reprises vidéo, puis on va peut-être même engager d'autres mondes pour être sûr de voir les affaires dans toutes les angles, parce que t'as l'air d'un esti de caf. C'est pas un 4 minutes au bas. Ah, c'est genre ça arrive. Il va aussi avoir un règlement pour les joueurs qui perdent leur casque sur la glace. S'ils ne reprennent pas leur casque pour le remettre ou qu'ils ne retournent pas au banc directement, pénalité de 2 minutes au joueur, sauf si le joueur fait un jeu direct à la rondelle après avoir perdu son casque. Mettons qu'il y a encore le pop. Ouais, mettons qu'il perd dans le coin de la bande, puis encore, puis il fait une passe. Après ça, remet ton casque. Genre le but de Kovalev dans quelques années. C'est encore lui qui l'a, la pop. Mais il fait un petit but. Je sais pas s'il a. Je me rappelle pas s'il avait perdu, puis qu'il est parti direct, ou s'il avait juste pour tourner au banc, mais ça risque de moins arriver, en fait. Montreal Expo One qui dit sur Twitter qu'il y a une petite vidéo en Zoom de Dubas qui dit à Bergevin, would you be interested in? Comme il est allé offrir quelque chose à Bergevin ou faire un trade. Trade entre Montréal, Toronto. Toujours un peu réticent à penser que ces rumeurs-là sont vraies parce que c'est rare Toronto-Montréal que se switch des joueurs. On est tellement proches. Il y a eu Plekanec le dernier. Ouais, c'est la raison. Mais il est revenu après. Ouais, c'est ça. On les a crossés en esti. Mais écoute, possible. Mais tu sais, qu'est-ce que Toronto aurait à nous offrir honnêtement? T'sais, si vous me parlez de Mitch Marner, là, premièrement, Marner, il demande 11,5 millions de dollars par année minimum. Okay? C'est ça qu'il va avoir. Son père, il a fait une sortie pendant la remise des trophées pour dire « C'est mon gars qui aurait dû gagner le MVP! » C'est comme... Hey, tu sais, oui, il est bon. Il est écœurant comme joueur, mais sacrément, si on lui fait une offre hostile, il va falloir qu'on donne un choix de 4 choix de première ronde back-to-back. S'il y a une année où ce qu'on fait pas les séries, puis que ce choix devient une loterie, puis qu'il repêche Alexis Lafrenière, je pense que le monde au Québec, ils vont tous se pendre. Fait que je ne toucherai pas à Mitch Marner. Il demande beaucoup trop d'argent. Pour ce qui est du reste, Kadri, je veux rien savoir de ça. Ils n'ont rien, tabarnak, Toronto. Tu ne voudrais pas Kadri, non? Non, je ne veux pas Kadri, man, parce que nous autres, on a déjà Dano au centre, on a Kotkaniemi, on a Poehling, on a même Max Domi. T'as-tu besoin d'un gars qui sent le vinaigre? Non. Fait que je veux rien savoir. Et là, on peut voir à l'écran les jumelles Cédine, les douaniers de Vancouver qui sont accueillis. Ah ben oui, c'est à Vancouver, effectivement, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on a vu des Indiens tantôt, je pense, parce qu'à Vancouver, il y a beaucoup d'Indiens, je suppose. Mais on est au Canada, ça fait partie. Je ne sais pas pantoute, là. Fait que, écoute, le premier choix au repêchage cette année, ceux qui ont gagné la loterie, c'est les Devils du New Jersey. C'est vrai, c'est vrai. Si je peux résumer ce qui s'est passé au New Jersey, c'est pas passé grand-chose l'année passée. Beaucoup de blessures. Taylor Hall qui a encore fucking mal au genou. Ça va pas bien sa vie. Puis non seulement ça, des nouvelles de Taylor Hall, mon GF. Ouais, vas-y. Il a refusé de vouloir négocier son contrat pour l'année prochaine parce que là, il lui reste 1 an à son contrat. Là, beaucoup de monde panique. Ils disent « Ah, Steve va vouloir partir comme joueur autonome, maman. » Fait que là, New Jersey a une décision à prendre. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va prendre une chance avec lui pour leur signer au cours de saison? C'est possible, mais peut-être que Taylor n'est pas pressé parce qu'il va chercher le maximum. Fait que ceux qui veulent avoir Taylor dans leur pool, je le propose. Mais New Jersey qui a la chance de repêcher Jack Hughes, un joueur de centre que je disais qui ressemblait à Mike Modano. Même, je dirais que dans les spécialistes, ils parlent d'un style de joueur à la Ryan Nugent-Hopkins. Donc, c'est un passeur, il contrôle bien la rondelle, blablabla. Mais ça pourrait être intéressant. Puis c'est un gars des États-Unis, fait qu'il pourrait facilement être un bon coup de marketing pour eux autres. Parce qu'elles sont sous l'ombre des Rangers de New York, les pauvres Devils du New Jersey. Pendant qu'on voit des images des jumelles Sedin. Ouais, parce qu'ils ont été repêchés ensemble. Pis... Ils ont fait toute la carrière avec les Canucks. Exactement. Eux autres, ils ont menacé que s'ils ne jouaient pas ensemble, s'ils n'étaient pas repêchés en même temps, ils n'auraient pas signé contrat avec leur équipe. Fait que Vancouver a eu le culot d'aller chercher un autre choix de première ronde pour aller chercher les deux frères Sedin. C'était à l'époque Pat Quinn, si je ne me trompe pas, qui avait fait les moves pour aller les chercher. Alors, ils ont quand même eu une bonne carrière. Ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley une fois. Ils n'ont pas gagné, malheureusement. Mais une bonne petite carrière. Là. On espère qu'on ne sera pas coupé par Facebook parce qu'on diffuse des images d'autres choses. C'est tout à des risques qu'on prend parce que ce feed-là, JF, est tout à fait légal. Toujours. Mais voilà. Fait que, on essaye. Enfin, sur Twitch, ils ne coupent pas si jamais il y a de quoi. Fait que, au pire, venez sur twitch.tv. En tout cas, sur Facebook, ça marche. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous parlent. Je salue nos 8 auditeurs, dont notre grand ami Alex Alipo. What's up, Alex? Oh, c'est vrai, la caméra est là. Ça, c'est l'écran, mais la caméra est là. Ça, c'est la boisson. Oui. Alors, un moment donné, ça va accoucher, puis qu'on va pouvoir voir ce qu'il y en est. Donc, les Devils de New Jersey qui pourraient repêcher Jack Hughes, puis ils vont avoir aussi Nico Hachier, qui est le deuxième centre du club, qui est un Suisse. Fait que ça va être un bon duo de centre là, qui vont avoir l'un 22, lui 18-19, qui va être techniquement de refaire le club. S'il n'y avait pas le club, ça serait vraiment une grosse catastrophe. Alors, ça va être à suivre. Sinon, mais c'était soit ça ou Capo Caco. Moi, je suis les nouvelles GF en direct sur Twitter. J'ai une liste de hockey et de sport. Fait que je regarde ça, ce qui se passe. Comme tu peux voir ici, là, on a vu le GIF tantôt là, de Dubas qui trame des choses en ce moment. Ah, le gars, il est dans la marde solide. Lui, c'est dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il est après parler à un gars, puis après ça, il chose. On le voit-tu bien? Fait que là, tu le vois là avec ses petites barniques. Mais l'affaire qui est triste avec Toronto, c'est que le fameux Shanahan n'a vraiment pas fonctionné. Ouais, ben l'année passée, tout le monde criait « Tavares, Toronto va gagner la Coupe ». On a même eu un de nos membres qui a décidé de, je dirais, traverser la clôture pour prendre pour Toronto. C'est ça, puis il n'était plus au podcast non plus à cause de ça. Mais là... Il cède ses bleus, blancs, rouges comme sur le logo. C'est ça, fait que là, eux autres, c'était la Coupe. Là. Puis en plus, je le disais tout le temps sur Twitter. Puis la fenêtre, eux autres, c'était un an parce que vous avez plein de joueurs à signer à Toronto. Puis pourtant, tout le monde disait « Non, il va être de bon base, pour les 5-6 prochaines années ». Fait que, écoute, pour une première année de Domas, écoute, le Toronto, ils ont eu 4 points de plus que le Canadien de Montréal avec Tavares. Salut Simrox. Puis ils ont perdu en première ronde, Calis. Merci d'être à l'écoute. On a une petite crowd qui se bâtit en ce moment sur Twitch, c'est le fun. C'est parfait parce que dans le fond, tu as le choix d'écouter la soirée du podcast ou d'écouter le repêchage à TVA Sport. Alors, si vous voulez voir des gars qui disent vraies affaires, c'est les deux GF. Si tu veux savoir quelqu'un parler de la voix ou de... C'est quoi l'affaire avec les chevaux là, qui tournent en rond là, avec dans un cirque? La Cavalia. Pourquoi? T'écoutes TVA Sport. Pas de Cavalia. Ils sont pas là tout le temps à l'été, esti. Mais c'est quoi le rapport TVA avec... C'est pas des commanditaires? Je sais pas de quoi tu parles. Non. Okay, en tout cas. Alors, c'est ça. Ah, alors, ça commence, JF. Bon, fait que là... On voit les Devils du New Jersey. Ouais, dans le fond, le gars qui surveille la tête puis qui sourit, ça, c'est... Salut, je te salue, André. C'est l'ancien directeur général du Canadien de Montréal. Hey, il est rouge en tabarnak, pour vrai, là. Ah, c'est fou. Mais ça, c'est... On dirait qu'il voit... Pour vrai, il fait de la haute pression, ce gars-là. Ou bien, il attache sa cravate trop serrée. Ou sinon, il est allé se faire bronzer à Vancouver. Y a-tu fait de choix à Vancouver? Je sais pas, je reste pas là. Fait que ça, c'est le même Chris, c'est Pierre Mondou, tabarnak. Le gars, c'est tous des anciens gars du Canadien de Montréal, on dirait. Puis André Savard, je peux raconter une petite anecdote. C'est Bob Guénin qui l'a tassé pour faire son plan quinquennal qui n'a pas porté fruit. François Gagnon, il dit que Gary Bettman a remercié les résidents de la ville où ce qu'il repêche pour l'hospitalité. Puis ça a l'air que toute la foule le huait. Fait que c'est très ironique et j'aime beaucoup ça. la tendance se poursuit. Ouais, c'est ça, mais ça achève-tu son règne à lui, Batman? J'étais curieux. Ah, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il va être là jusqu'à sa mort. Il est comme genre invincible. Mais c'est le président, mais il doit un contrat. Je peux pas croire que c'est c'est les propriétaires qui décident. Je sais pas. Ah, pour vrai, c'est pas pour lui. Mais il a comme eu leur droit de veto, puis je pense que c'est même lui-même intronisé dans au temps de la renommée comme bâtisseur de la Ligue nationale. Écoute, oui, parce que dans le fond, il y a des expansions, ça a marché. Là, on a des stats, JF, dans la gauche de l'écran. C'est des choix de repêchage qui ont eu ça aussi. Non, c'est les derniers qui ont repêché. Les meneurs l'année passée pour les Devils, comme par exemple Paul Murray, c'est le meilleur marqueur. Ah, le plus de buts. OK, plus de buts. Nico Hischier, 30 passes. Là, il nomme les choix repêchage. Chris, j'avais lu Joel Canville. Il y a Frank 975 dans Twitch qui dit « Salut les boys ». Il dit « Laissez faire TVA Sport, il y a la jasette, lol ». Il y en a moins de ce temps-ci, mais c'est faute de manque de temps. En fait, on va revenir. Là. Ben oui. T'inquiète. Il y a des films de Marvel qui s'en viennent qu'il faut couvrir de toute façon. Mais non, on retournera au bar bientôt qui est en arrière pour se faire une petite jasette cet été. C'est sûr et certain, c'est pas fini tout ça. Alors là, on peut voir résumer les 5 derniers choix de première ronde. Les tout premiers, c'était Ramos Dallin. Pas de trouble, les gaz. Yeah, c'est ça. Dans quand t'as regardé comment les ils choix savent que j'ai des gaz? Non. Hein? Que, non. Ah, les gars! Il manque un hire. Fait que c'est ça. Fait que là, tu vois, les en fait, il y a eu Ramos Dallin, Nico Hischier, Austin Matthews, Connor McDavid et Aaron Ekblad. Aujourd'hui, on est-tu... Tu sais, c'est sûr que Hischier et Dallin, c'est pas encore des super vedettes, mais on s'entend qu'ils s'en vont dans cette direction-là. Ben Matthews, c'est une super vedette malgré lui. Connor McDavid, pas besoin de faire d'introduction. Puis Aaron Ekblad, mais tu sais, il est correct. C'est quoi tu penses qu'il mange dans le petit sac orange? Pop, ça semble être des Reese. Reese avec P-P-E-D à la fin. Ouais, c'est des Reese Ripped. Oh, voilà. Alors, les dirigeants des Devils du New Jersey qui se lèvent, mettent leur veston dans leur bédaine et se rendent vers le stage. C'est ça. Fait ça commence, JF. Ils vont officialiser leur choix de première ronde qui devrait être Jack Hughes rendu là. Ça me surprendrait qu'il va vers un gars de la Finlande. Là, mais c'est un joueur de centre. C'est Marc, il l'a toujours dit. Les joueurs de centre, là, les bons joueurs de centre, ça passe pas. Il y a Frank qui dit, lui, il pense que ça va être Capo le premier. Peut-être, c'est possible. C'est à voir, c'est mais à voir. Selon les besoins... ça marche beaucoup, les fesses serrées, en tout cas, en ce moment. Là. C'est très dur d'aller chercher un joueur de centre versus un allié où il y en a des milliers à travers la ligue, mais c'est sûr que Capo, vous ne pouvez pas nier qu'il a un talent incroyable. Montreal, c'est pas one qui dit que Taylor Hall va sacrer son camp de là dans un an. Fort possible. Mais s'il joue avec un gars comme Hughes et qu'il produit autant, va-tu être heureux? On ne sait pas. Tu sais, tout peut arriver. Voilà, alors... C'est très, très rouge sur le stage en ce moment. Toujours des enfants qu'on ne sait pas c'est à qui qui sont là pour aucune raison. Ray Shero. C'est Ray Shero? Ray Shero qui est le DG. Batman, c'est vrai, il va serrer la main. Je rappelle que depuis qu'on fait le repêchage, on a déjà vu un gars, je me souviens plus c'est quoi son nom, qui a refusé de serrer la main à Gary Batman. Oui, puis c'était pas un gars des Canadiens? Ou c'est... Non, je ne sais pas si c'est pour quelle équipe. C'était hilarant. C'est ça les beaux moments du repêchage. Ben, c'est les fans du direct aussi. On ne sait pas ce qui va arriver. On est bien excités de le regarder en direct. Ah, de toute façon, c'est cool. Là. C'est comme ça. Pendant que. Ils vont-tu le nommer ou remercier tout le monde? Mais, on va le voir. On va faire comme. Oh, c'est... Si on peut aller avec une anecdote rapide, Bergevin a été repêché au Forum de Montréal en 1983. Il était tellement nerveux. Il avait des nouveaux souliers neufs et un beau veston. C'est vrai qu'il y avait un gros éclairage dans les marches aussi. Fait qu'il voyait pas bien la définition des escaliers. Là. Il a déboulé, man. Il a dit à sa mère. J'ai été repêché dans quelle équipe? Là, ils ont dit Chicago, je pense qu'il est allé. Ou, c'est ça, exactement. Puis il s'est levé, puis il a déboulé les marches. Ah ouais, puis quand il est allé voir les dirigeants, il dit qu'il avait mal aux jambes et aux coudes. Tu sais, tu viens de repêcher un jeune, puis le gars, il se casse le coude. Il est déjà blessé, tu sais. Puis ça prend même Bergevin pour débouler les marches en se faisant repêcher, pour vrai, là. Ah, puis on voit au bas de l'écran à la gauche. Head coach John Haynes. Hein? Bon, il y a des petites infos dans le bas. Ah, c'est Marty qui va nommer le choix. Marty Bro. Il est rendu avec la face, puis le cou de la même largeur, c'est hot. Ah, c'est incroyable, hein? Jack Hughes. Jack Hughes repêché, premier rang du repêchage, quand on voit son frère. Et voilà. Deux vrais petits PD, check-les. C'est vrai, Quinn Hughes, qui est un gars de Vancouver. T'as un autre frère. Chris, c'est tous ses frères, ça? Ah non, le gars, il a l'air d'un joueur qu'on connaît, ça, frisé de même. Il doit jouer dans Riverdale. Je pense pas, là. Puis Pat Brisson qui voit encore son compte de banque grossir. Puis je vous rappelle que Pat Brisson. C'est Pat Brisson qui est. En exclusivité. Pat Brisson a changé de banque, il n'est plus avec la Caisse des Jardins. Il a bien fait. Alors qu'on voit les points en carrière des équipes développées dans les programmes des États-Unis, 228 points en carrière, Hughes. C'est plus que... Keller Kessel avec son gros coup. C'est ça. Kane. Alors qu'on voit ici... Des images du bon Jack. Fait qu'on a des trucs, lui. Attacks the net without fear, dangerous speed. Fait que c'est un power forward qui n'a pas peur, qui va se mettre probablement dans le trafic, selon ce qu'on comprend. Oui, puis il y aura des chances de devenir possiblement le meilleur joueur américain de l'histoire des États-Unis, qui est présentement, à l'heure actuelle, Mike Modano, selon moi. Alors, on va voir ce qui va se passer. Puis, justement, si je peux faire un parallèle sur le programme américain, là, lui, il a joué pour le high school des États-Unis. Puis là, il y a beaucoup de joueurs américains qui vont à l'université. Parce que ce qui arrive, eux autres, c'est qu'ils préparent leur après-carrière en même temps. Fait qu'ils jouent au hockey, puis ça a l'air que c'est vraiment comme bien contrôlé. Ouais, ouais. Les gars, ils jouent au hockey, ils font leur cours, passent leur temps à leur gym. Fait qu'au niveau de... Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Ryan Pelling. Ryan Pelling, quand il était repêché, c'était un grand qui était maigre. Puis aujourd'hui, quand je le regarde, il est costaud. C'est parce qu'il a passé toute sa... Il est au campus, fait qu'il fait juste s'entraîner. Puis après ça, il va jouer au hockey. Ouais, il fait ouais. ses études. Il a son diplôme. Puis après ça, il fait sa carrière. L'affaire qui arrive, c'est que tu as le choix entre ça, qui est très attrayant pour le monde. Il y a beaucoup de Québécois qui pensent y aller. Ou sinon, tu peux aller dans la Ligue junior majeure du Québec, où ce qu'il y a des chances, je te dirais peut-être à 75%, qu'à 16 ans, tu te ramasses avec un manche à balai dans le cul. Il y a l'équipe de Jocelyn Thibault, le Phoenix de Sherbrooke, qui sont dans un gros scandale à l'heure actuelle, JF. Ouais. Tu as un joueur russe qui a crissé son camp. Puis il a dévoilé un journaliste russe que quand il allait là-bas, il y avait des initiations justement où il y avait des enfants de 16 ans qui se faisaient violer par des manches à balai. Et puis, il y a eu une enquête à l'interne. Ils ont nié tout ça. Le Russe a changé son histoire. Puis il a dit « Ah, oh, c'est une mauvaise traduction. » Fait que tu as des spécialistes de la presse qui ont fait un Google Translation de ce qu'il avait dit. Ils ont appelé des Russes aux États-Unis pour leur demander si ça fait du sens ce qui était écrit. Puis effectivement, genre, il a pas menti. C'est ce qu'il a dit vraiment aux journalistes. Fait que, il a engagé Souroche. Ils vont engager un homme retraité de la police pour faire une enquête pour voir s'il y a vraiment du monde qui se faisait voler par des manches à balai. Tout ça pour dire que tu as le choix de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec où ce que je dirais que la Ligue est malade présentement versus les États-Unis qui offrent un programme et donnent une chance à un jeune d'avoir un diplôme. Toi, c'est qui ça, Gia? C'est un des frères Suzuki. En fait, c'est ça qu'on dit. Ils ont posté, le Canadien, un vidéo de Suzuki. C'est parce que Suzuki est dans nos recrues puis son frère va être dans le repêchage. C'est probablement plus pour ça. C'est pas autant un signe, je pense. Là. Non. Son frère joue là, fait que c'est puis, normal. Il y a quelqu'un qui demandait si notre fil était décalé. Ça se peut qu'on ait un petit délai de 30 secondes parce qu'on est sur un fil de l'Internet. Fait que ça se peut qu'il y ait un décalage. Fait qu'on vous suggère de l'écouter avec nous en duplex. Ou de ne pas nous spoiler d'avance si c'est pas arrivé, s'il vous plaît. Ça, c'est plate un peu pour nos réactions. Là. Non, c'est ça. Mais on va l'écouter avec vous. Sinon, inquiétez-vous pas, on va tout vous montrer ce qui se passe. Là. Voilà. Et bien, c'était quoi ta question? J'écoutais à moitié. Dans le fond, tu aurais choix d'avoir un diplôme universitaire puis possiblement une carrière au hockey ou d'aller dans l'Inc. Jean Major de Québec. Puis aller faire de l'autobus. Ah, c'est quoi? Tu veux aller avec ton diplôme universitaire? Tu peux aller à Harvard, quelque chose de genre. Puis. Ou tu fais les deux comme le gars au football, là, Laurent Duvernay-Tardif. Ah, mais ça, c'est un docteur, ça. C'est une machine, ce style-là. Ah, oui. Qui joue le football, docteur, fait des petits bols en bois. Moi, j'ai vu de quoi aujourd'hui par rapport à ça. C'est rendu le chevalier de Colomb. De quoi, je sais pas. Ben, je sais pas, il y a quelque chose que... je rappelle mon ami Boulevard Brutal, t'as posté de quoi aujourd'hui, puis j'ai pas compris. Fait que j'ai vu chevalier, mais je savais pas c'était sur quoi. Fait que explique-moi ça, c'est-tu. Ouais, Boulevard Brutal, faut tout le temps, tu prennes ça à double sens, les affaires qui passent. C'est jamais très sérieux. Non, mais je trouvais ça spécial. Si vous aimez la musique métal, allez suivre ce projet-là, Boulevard Brutal, podcast et nouvelles de musique métal. Oui. Qu'on alors, aime beaucoup, Seb. Voilà. C'est pour ça. Puis, tu sais, on s'entend-tu sur une chose? Moi, j'ai fait une étude, puis on dirait qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un qui joue dans une ligue de garage ou sinon dans une ligue de décaqué, quand il y a un... Ah, OK, excuse. Parce qu'il dit, qu'on n'était pas en décalage parce que là, un an ou deux, on avait oublié de remettre live. Oui, ah. Oui, parce qu'on avait un enregistreur hélico et on avait reculé parce qu'on entendait Alain Chenet dire Jonathan Taze, on trouvait ça drôle, on l'avait pas remis c'est live. Ça. C'est un fidèle. Mais merci, t'es un bon auditeur si tu te rappelles de ça, c'est bon. Mais non, là, on est live après une couple de secondes près, là, fait que ça devrait pas être un problème. Là. Donc, tout ça pour dire que dans mon sondage, canadien, à chaque fois que tu joues dans une ligue de garage ou dans une ligue de hockey quelconque, on dirait que quand un ancien membre de la Ligue junior majeure du Québec, ça donne que c'est un trou de cul. Genre, il se pense trop bon, il prend tout au sérieux, il parle jamais le puck, c'est de la merde. Je tenais à le souligner. J'entends très bien. Ah, je sais pas, je remarque pas. On dirait que ma voix, m'entendait bien. Là, c'est les Rangers de New York qui s'en vont sur le stage pour parler. Alors, sans surprise, je pense que c'est facile à deviner, c'est Capo Caco qui va être repêché. Les Rangers de New York, JF, honnêtement, eux autres, ils ont écrit une lettre à leurs partisans pour leur dire qu'ils faisaient une reconstruction. Ça a commencé l'année passée. Ils se sont débarrassés de Ryan McDonough, de TJ Miller. Ils ont changé une couple de vétérans, Matt Zuccarello puis, et compagnie. Puis là, ils repêchent deuxième. Capo Caco, un esti de joueur là, qui va être une vedette à New York, ça c'est clair. Puis lui, cette semaine, là, qui regarde un peu cross-side. Là. C'est le DG, je crois, de... Voilà, Capo Caco qui a été repêché en deuxième position avec sa belle coupe de cheveux blondinette. Ah, ça, c'est un gars qui... Tu vois, c'est un Finlandais dans l'arme, ça, hein? Les cheveux blonds même, là. Moi, si j'aurais une recrue à prendre pour le prochain repêchage, ça serait ce gars-là. Parce que si on recule en arrière, Patrick Laine, Chris, a quasiment scoré 40 buts à sa première saison. La seule affaire qui désavantage un peu Capo Caco versus les Jets de Winnipeg, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un gros joueur de centre avec les Rangers, à part l'Iranien suédois, là, comment il s'appelle, donc Zibanejad. L'Iranien suédois. Je pense que c'est le cas. C'est drôle de mix, OK. Ça se peut. Ben, en tout cas, Hey, c'est nouveau, ça? C'est quoi, ça? Le puck possession? Oui. Ah, ben, c'est parce que dans certains endroits... Ah, c'est en Europe. Ouais, c'est dans le tournoi mondial, ça. En Europe, ils ont plus de budget qu'à TVA Sport. Mais cette année, de toute façon, on n'avait pas dit l'année passée qu'il allait avoir des genres de GPS dans les pucks, puis ça se peut qu'ils ramènent comme des trucs... C'est supposé pour que tu puisses voir les reprises vidéo pour expliquer des jeux. C'est un peu comme au baseball. Quand tu écoutes à Star, ils te mettent le temps le strike zone dans le rectangle. Ça. Je sais pas si j'aime ça, pour vrai. On parle pas de hockey, deux secondes, mais ça me gosse ça des fois. Ça fait MLB. J'aimerais ça l'avoir à la reprise vidéo, mais pas sur le premier. Ah. Je veux juger le moi-même de mon œil de pro de baseball. Mais c'est quand même bien, je trouve ça le fun pareil. Là. Fait que, side note sur le baseball. Les Rangers de New York cette semaine ont été chercher Jacob Trouba, un gars, un excellent défenseur des Jets de Winnipeg, qui a fait 50 points l'année passée, 7 buts, puis la différence, c'est les passes. 37 passes. Non, en tout cas, 37 passes. C'est vendredi. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les Rangers ont fait ce move-là. Ils ont changé ça contre Nick Pionk. Jeff, si je peux te rappeler Nick Pionk, je ne sais pas si tu te souviens, Canadien de Montréal contre les Rangers de New York, le défenseur qui est parti de sa zone puis a scoré surprise, c'était lui. C'était lui, ça? C'est un défenseur qui a une limite côté talent offensif. Fait que ça ne sera jamais un Jacob Trouba. Puis les Jets de Winnipeg, en plus, ils avaient donné leur choix de première ronde aux Rangers dans l'échange qu'a amené Kevin Hayes avec les Jets. Et puis, ils ont été recherchés ce choix de première ronde-là dans la transaction de Jacob Trouba. Et as-tu vu le jeu de mots à la télé? Ultimate Finn Isher pour les Finlandais. Écoute, la Finlande, sérieusement. Ils sont forcés, bravo Sportsnet. Si la Ligue nationale s'en va aux Olympiques à Corée. En Corée, ouais. Mais écoute, la Finlande, je pense, ça va être une des équipes favorites pour remporter la médaille d'or. Donc, troisième position qui s'en vient dans 2 minutes 40, les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks de Chicago qui ont... Qu'est-ce que ça roule cette année? Ben, faut pas que ça niaise. Regarde, tu vois-tu en bas le timer? Ouais, t'as le décompte, là. Regarde, ça niaise pas, là. On va se le mettre en plus petit comme ça. C'est pas comme dans un pool de hockey, là, puis des fois, t'as quelqu'un qui dort, puis ça lui prend 20 minutes pour faire son institut repêchage. Puis là, quand il nomme un joueur, il est déjà pris, esti! Fait que... Ça, c'est moi, ça. Ah, OK, je pensais que c'était Julien dans les boys. Aussi. On va prendre... Non, c'est en fin de pool, t'es quand même... Ça va trop vite, je trouve pas le joueur, c'est ma liste. Puis, En passant à Matt, je parle pas mal de tes Jets, je vais juste expliquer le trade. Matt Lamar, ça? J'ai juste dit qu'ils ont été recherchés leur choix de première ronde qu'ils ont donné aux Rangers pour Kevin Hayes. Qui chiale? C'est Matt Lamar qui chiale? Non, il a juste peur que j'ai de la merde, c'est les Jets de Winnipeg. C'est pas parce que... Tu t'arrêtes chialer, c'est ça. Ouais, Chris, c'est pas content, man. Écoute, les Jets, là... Trouba n'aurait pas resté là. Lui, il aurait crissé son camp parce qu'il voulait gagner une fortune. Puis même, dans le fond, moi, ce que je m'amuse, Jeff, c'est quand il passe une transaction, j'aime ça lire le feed des fans de l'équipe. C'est une bonne affaire, savoir ce que les gens pensent du joueur qui a été échangé puis de celui qui s'en vient, c'est un peu moins grave, mais de celui qui part. Mais t'essaies de voir les deux côtés de la médaille. Parce que Jacob Trouba, oui, il est bon. Mais dans le fond, ce que je lisais des fans des Jets, t'en avais qui étaient en tabarnak. Ça, je compare ça à des feux fans parce que moi, c'est sûr que du point de vue, écoute, quand tu sais que le gars va crisser son camp, tu prends ce qu'il y a de mieux sur le marché. Fait que Pionk, c'est un gars qui est correct, mais ton choix de première ronde, tu sais pas ce qu'il va devenir. Il a pris ce qu'il y avait de mieux. Écoute, moi, je pense qu'il a fait le deal rapidement. Il aurait pu attendre un peu pour voir s'il y avait quelque chose de plus. Mais c'est vraiment inquiétant pour les Jets. Ils sont dans la merde au niveau de la masse salariale. Il y a Nicolas Heller aussi qui est disponible, qui reste encore 6 ans à 6 millions de dollars. Et écoute, il faut qu'il paye Kyle Connor, il faut qu'il paye Patrick Laine. Fait qu'à un moment donné, le beau côté du plafond salarial, c'est que des grosses équipes, la fenêtre est courte. Alors que l'état-major des Blackhawks de Chicago se dirige vers le stage pour le troisième choix de ce repêchage de la Ligue nationale 2019. Oui, puis comme on peut voir, Scotty Bowman a perdu beaucoup de poids, puis même on dirait qu'il a rajeuni. C'est pas Scotty Bowman, ça? Je sais, c'est son gars. On dirait qu'il l'a chié parce qu'il est pareil comme lui. Je m'en ai fait une joke, mais je peux pas topper ce que tu viens de dire là. C'était juste parfait. Désolé. Tu m'as brisé un peu de l'intérieur. Non, ça c'était bon là. Fait que Chicago qui se sont battus jusqu'à la toute fin pour une place en série. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Écoute, ça a mal été. Ils ont changé de coach. Finalement, quand ça commençait à se replacer, écoute, Chicago, c'est une équipe qui perdait quasiment plus. Malheureusement, ils n'ont pas fait les séries. Mais le fait d'avoir travaillé puis avoir tout essayé pour faire les séries pareil leur ont permis de gagner la loterie pour avoir le troisième choix au total. Le Chicago, leur défensive commence à être pas mal vieille. Fait que moi, mon choix, ma prédiction, c'était Bowen Byram. Que Chicago repêcherait pour préparer la relève qui s'en vient avec les Duncan Keith, les Brett Seabrook qui vieillissent. Moi, je pense que c'est le cas, mais tu as beaucoup de talent à l'avant. Mais Chicago, on dirait qu'ils ont déjà tout beaucoup de talent à l'avant. Fait qu'à un moment donné, on va voir. Le repêchage, mesdames, messieurs, là, ça commence drette là. Ouais, parce que les deux premiers choix, c'est souvent comme acquis d'avance, ça va être quoi? Ben, c'est ça, il n'y a pas de surprise. Et voilà, Kirby Dack. Kirby Dack. Moi, Kirby Dack, je l'avais... Ou Dash, mais c'est plus Dack. C'était mon quatrième sur la liste. Ah, fait que t'en avais versé deux. C'est ça. Ça, c'est un centre à très gros gabarit, puis il y a une vision de jeu incroyable. Mais tu vois, Capo, puis lui, c'est pas des petits feluets, là. Tu sais, comme Kotkaniemi, tu voyais qu'il a besoin de prendre de la masse, mais ils ont des shapes de gars de hockey, déjà. Ah non, c'est des grands gaillards, là. Ça mangeait biologique, ça, là. T'es nourri au grain. Ouais. Fait que lui, c'est un Canadien qui vient de Fort Saskatchewan en Alberta. Puis ça, c'est un gars qui pourrait peut-être même faire le club dès 6 pieds 4, 198 livres. Non, c'est ça. C'est beaucoup de monde le compare. Regarde, justement, les tabarnak, ils m'ont spoilé. Ben, on voit ses forces, sa mobilité, ses mains. J'avais écrit Ryan Getzlaf comme style de joueur. Pour vrai, wow, c'est fort. On le montre tantôt, mais fait que... two-way center, toughness shot, room to improve. Ça dit qu'il peut améliorer leur suit était laid. T'as-tu remarqué? On dirait que c'était genre un suit avec une cravate. C'est laid en tabarnak, man. Puis ça, c'est, je vous rappelle que ce gars-là, c'est un Canadien, en fait. Alors, bravo à Kirby Dack. Écoute, un Albertain. Ça dit que t'aurais Jonathan Toews. Puis peut-être lui, comme potentiel deuxième joueur de centre à Chicago. C'était intéressant. Puis non seulement ça, ils ont même... Dallin Strome, qui ont pogné des cas de Phoenix avec le meilleur DG de l'histoire de la Ligue nationale. Le Mozart du hockey. Comment il s'appelle dans le tabarnak? John Sheka, a fait un don à Dallin Strome au Blackhawks de Chicago. Là, ils pognent un autre joueur de centre. On dirait que là, les équipes solidifient leur ligne de centre, comme à l'habitude. New Jersey vient de le faire. Chicago va dans la même lignée. Il y a des stats intéressantes dans le bas de l'écran. On dit qu'il a été nommé capitaine de l'équipe OR dans le 2019 CHL NHL Top Prospect Game. Fait qu'il y a une partie des prospects. Gagné l'or en 2019. La Gretzky Cup, troisième Canada avec 7 points. Quand même, tu vois pourquoi il sort troisième, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas un mauvais choix. C'est un très bon joueur en an d'avenir. Fait que ton troisième sera probablement le quatrième dans ce cas-là. Possiblement. Tu vois, moi, Jeff, comme quatrième joueur, j'avais mis Bowen Byram, qui est le meilleur défenseur de ce tournoi. C'est ma prédiction. C'est un Canadien, lui aussi. Là, c'est l'Avalanche Colorado. Colorado qui ont gagné ce choix dans l'échange de Matt Duchene, que les sénateurs ont carrément... Ils se sont fait passer une vite, là, mais regarde, au moins, ils ont réussi à récupérer des miettes. Fait que l'année passée, les Sens avaient le choix d'échanger leur choix qu'ils avaient l'année passée ou celui de cette année. Ils ont pris un guess en gardant celui de l'année passée. Ils ont repêché le Brandy Tkachuk, un gars qu'on va haïr parce que c'est un tabarnak, comme son esti de frère Matthew Tkachuk. Puis là... Finalement, c'est un choix au même rang qu'est cette année. Alors, qu'est-ce que Colorado va faire avec ça? Colorado qui sera le quatrième à repêcher. Joe Sakic, exécutif VP et GM. On aura Craig Billington, Chris McFarlane. Oh, Craig Billington, un ancien gardien de but, ça. Alan Apple et Johnny Leto. Le head European scout. Eux autres qui ont un scout juste pour l'Europe. Puis nous autres, on a fait un comeback en Europe, GF. Ouais. Ouais, fait qu'on a plus de cash. Je savais pas que Timmins avait le temps d'aller en Europe avec toutes les séances de gym qu'il fait. Oui, il a fait ça, dans le fond, au Combine à Buffalo, puis la semaine suivante, il est allé en Europe, puis Barbara Jovin est allé en Europe aussi. Fait que, écoute, le fait d'avoir fait un Combine nous a permis de repêcher Romanov au deuxième rang, quand tout le monde disait « tabarnak, c'est malade, il était classé sixième ». Puis c'est devenu le meilleur défenseur du championnat du monde junior à 18 ans. En Actuellement, genre, c'est un gars de 20 ans qui gagne. En deux ans, là, on est passé de comme on n'a pas une bonne banque de prospects, on a une crise de bonne banque de prospects. Moi, là, c'est fou, personnellement, depuis que je suis le Canadien de Montréal, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, j'ai jamais vu autant d'espoir que ça en Montréal. C'est fou, là. Mais c'est ça des joueurs qu'on espère qu'ils vont se développer, mais pour vrai, il y a bien des bons joueurs qui s'en viennent. Puis c'est pour ça que Bergevin n'arrête pas de dire qu'il faut qu'il soit prudent et qu'il ne gaspille pas ses choix parce que. Ça va être payant dans une couple d'années. T'imagines-tu, t'échanges un genre un Paling ou un Suzuki que probablement va donner un très très bon joueur pour une solution à court terme que tu perds l'année d'après parce que tu peux plus payer ou parce c'est que. C'est le match chaîne. Voilà, qui va être sur un contrat d'un an. Tu peux pas faire ça, là. Non, non. Quand t'es dans un genre de rebuild ou de reconstruction comme ça ou de reset ou pas ça comme tu veux, garde tes choix, surtout quand il domine partout tes choix. Là, c'est ça, puis il va essayer d'aller améliorer son équipe pour le présent en faisant des moves intelligents. Un peu comme qu'il a fait avec Pacioretty. Il a donné Pacioretty au bon moment. Il a été chercher Tatar, qui a produit plus que Pacioretty. Nick Suzuki, qui a gagné le MVP des playoffs dans la Ligue de l'Ontario. Et en plus, un choix de deuxième ronde qui va être dévoilé demain après-midi. C'est quand même un estime move. Celui-là, on va pas le suivre pour vous, pardon, en direct. Non. Il faut que j'aille faire mon épicerie, fait que j'aurai pas le temps. Mais le 1er juillet, par exemple, on est souvent actifs. Nous autres, dans notre chat interne, on pourrait être actifs peut-être sur Twitter. Jeff, inviter le monde à nous Chris, suivre. À passant, on vient de voir. OK, non, c'était pas en direct. Je vais le mettre. Parce que, excuse-moi, Jeff, quand je vois Marc discuter avec un autre DG. Tu penses qu'il y a un trade qui s'en vient? Il y a comme des frissons dans Yadido. Oui, il a suivi de la tête pas mal, là, mais. Joe. Fait que le Colorado vont mais repêcher non, ça, à l'instant. Pour le 1er juillet, on pourrait essayer d'être plus actif sur Twitter, mettons, puis essayer de commenter ce qui se passe. Là. Moi, c'est même que je fais de la fête du Canada. C'est ça. J'écoute TSN. @GF_Mallette, puis @GF Cromp, ou @soirée du podcast. Alors, le choix de l'Avalanche du Colorado sera dévoilé dans quelques instants. Puis, Colorado sont déjà très bien hantis à l'attaque. Ouais. Avec MacKinnon, Rantanen, il y a Tyson Joss. Le Kirkhoff, qui est un magicien. Là, on a les meilleurs choix disponibles à gauche. Ça, c'est selon Sportsnet. Bowen et Byram. Voilà. Bowen Byram. Celui qui était, ben, en fait, c'est lui que je prenais pour Chicago. Trois, fait que tu as inversé deux choix. Là, on voit un gars qui est super content pour Bowen Byram. Écoute, honnêtement, là, ils ont déjà Kel McCarr qui s'est joint au club pendant une série qui a été extrêmement bon pour un gars qui n'avait jamais joué une game dans la Ligue nationale. Tu as Samuel Girard. Ils ont même, Colorado étudie la possibilité de peut-être échanger Tyson Barrie, qui est un défenseur gaucher qui est productif. Là, ils ont repêché un défenseur gaucher. Un autre Canadien. Qui est comparé, pour moi, à Drew Doughty, un gars qui peut tout faire sur la patinoire. T'as-tu vu dans ses top habiletés, il y a comme Battles Like a Demon? Genre, ah, ouais. Il se bat comme un démon pour compter, dans le fond. Fait que c'est un joueur qui donne. C'est un grinder un peu. Là. Mais c'est ça, il peut changer l'allure d'un match. Lui, à un moment donné, il peut décider de monter dans la zone et aller top la colle. Top pair defenseman. Fait que, écoute, pour Colorado, je pense que c'est bon. Puis, honnêtement, Colorado, là, écoute, moi, là, c'est une équipe que je pense qu'ils vont être à surveiller dans l'Ouest dans les prochaines années parce qu'ils vont retrouver la gloire qu'ils avaient à l'époque des Joe Sakic. Peter Forsberg, Carrois, ses joueurs, eux autres, parce que Colorado, c'était de la merde avant ça. Tu sais que sa mère est contente. Ah ouais. Dans le coin. Elle fait « Ah yes, mon fonds de pension est prêt maintenant. » Et voilà. Donc, en plus, c'est drôle parce qu'il porte de 19, un peu comme Joe Sakic à l'époque. Ils ont déjà le chandail avec le nom dans le dos. Ah, ils doivent le coller, probablement. T'sais, il y a encore l'étiquette sur la manche, si t'enlever ça, là. Ils sont partis avec d'un magasin de sport en courant. Ses fond. Pantalons sont trop serrés. C'est pas normal que ses pantalons arrivent aux genoux puis que tu vois genre ses bas. Non, c'est la mode, ça, Jeff. Non, mais les bas, c'est 5 cm, pas plus. Non, mais c'est, il y a comme une mode là, pour. Non, les... mais regarde, ils ont dit que c'est assis puis il a baissé d'abaisser ses pantalons. Là. C'est fou. Là. Non, il y a d'eau dans la cave. Je te jure, c'est la mode de l'eau dans la cave. Ça. Toutes les. All the cool kids are doing it. C'est trop intense. Puis en plus, non seulement ça, mais quelqu'un qui respecte cette mode-là. Tu devrais avoir des bas de couleur, pas des bas noirs. Mais ce qui serait drôle, c'est qu'on voit quelqu'un avec des bas blancs. J'espère qu'on va voir les Marc Bergevin avec des loafers. Du feu de plancher qu'on dit comme chez nous, Tiffrain nous dit dans le chat. Ça, c'est pour l'eau dans la cave. C'est drôle parce que c'est comme l'inverse de l'eau dans la cave, c'est le feu dans le plancher. Mm-hmm. Ça a brûlé un peu ton bas de pantalon. Je vois d'où ça vient, c'est bon, j'aime ça. Pendant qu'on voit le jeune Byram qui mange du spaghetti à l'âge de 3 ans. On voit que notre ami Matt Lamar aime beaucoup ce qu'il voit au Colorado en disant que ça pourrait être le meilleur top 4 de la Ligue en défense. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Colorado, là, à surveiller. T'sais, il leur faut juste un gardien de but. Là, puis là, ils sont en business. Le prochain choix de JF, numéro 5, sera les Kings de Los Angeles. Et les Kings de Los Angeles. Penses-tu que La Fontaine va aller demander à Renault avant de faire son choix? Robitaille, pas La Fontaine, Robitaille, ouais. Écoute, j'ai écouté la loterie qui a eu lieu une semaine après la fin de la saison. Là. Puis Luc Robitaille, mon gars, là, il a l'air d'un gars ici qui est sur le bord d'aller en désintox. Il a peut-être trop pris de soleil aussi, tu sais pas. Là. Il est blanc. Blanc, blanc, blanc. Puis ses cheveux, ils ont l'air d'être brûlés au soleil. Puis en plus, il parlait avec Michael Lalancette. Puis là, il disait, « Puis, comment tu te sens? Tu crois-tu en tes chances de gagner le premier choix? » Puis là, il disait, « Ah, tu sais, nous autres, on va tout à gagner. Hein, » c'est comme, « Tabarnak, il a l'air d'être chaud. » Fait que là, il était excité. Lui, il croyait vraiment à ses chances. C'était l'équipe qui a fini dernier. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'a pas gagné. Puis ils ont mis la caméra d'en face à Luc Robitaille. Asti, on dirait qu'il venait d'apprendre que sa femme l'avait trompé avec 10 gars en même temps. Asti. C'était incroyable. Sur Twitter, GF, il y a François Gagnon qui pense un peu comme toi. Il dit « Grosse surprise du côté des Hawks. Ils manquent cruellement de renfort à ligne bleue. Puis ils sont allés pour un centre avec Kirby Dack. » Puis là, il dit « Sakic saute sur Bowen Byram, là, que tout le monde voyait au troisième rang pour Chicago de façon logique. » C'est un peu bizarre pour vrai, le move qu'ils ont fait là. Je comprends pas trop. C'est-tu le meilleur joueur disponible et non le meilleur? Pour eux autres, probablement que ça l'était. Fait qu'ils ont décidé de sortir. Parce que, tu sais, on s'entend que... Pas tous les scouts pensent pareil de toute façon. Jack Hughes puis Kako, tu sais que tu les prendras pas. C'est-à-dire que le premier joueur qu'il y avait sur leur liste, c'était ce gars-là. Chicago, je tiens à le souligner aussi, ils ont fait une transaction. Ils ont changé Dominic Calhoun contre Olli Mata. Encore là, je suis allé lire le feed des gens, des fans. Ouais. Puis les fans de Chicago avaient le goût de commettre un meurtre. ils ont été extrêmement fâchés de cette acquisition-là. C'est comme si Chicago le savait qu'elle allait repêcher en avant. Puis Olli Mata, c'est un gars qui est souvent blessé. Il a eu plusieurs maladies par le passé. Il n'a jamais connu une saison complète. Là, il s'en va à Chicago. C'est-tu de même, dans le fond? Ils ont-tu pris un défenseur de plus parce qu'ils savaient qu'elle allait repêcher un avant? Possiblement, mais en tout cas, ça va être assez pour Chicago, mais tu sais, ils ont toujours trouvé une façon de gagner, fait que je ne vendrais pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ouais. Ça? C'est exactement ça. Pour une fois, tu l'as eu bien comme fou. D'après moi, tu ne vas pas assez vite. Tu veux-tu une bière? Ouais, j'ai. On va faire le pic des Kings, puis je vais aller t'en chercher une en même temps que je vais en prendre la mienne. Ah, ben, t'es bien fin. On vient en duplex. Ben, le bar, je suis en arrière, anyway. Fait que moi, le choix que j'avais pris pour les Kings de Los Angeles, c'était Dylan Cozen. Un autre Canadien. Un autre joueur de centre à très gros gabarit. C'est la popularité, je te dis, là, manger biologique, là, ça te donne des muscles à la naissance. Le crypteur président et Rob Blake, VP et General Manager. Check-le, comment il fait pitié, man. On dirait qu'il est vert. Il est pas blanc, il est vert. On dirait qu'il a un cancer. Il y a eu deux mois d'intervalle. Mais il est allé au centre de bronzage, mais il n'y a pas eu le temps que ça fasse effet comme il faut. C'est parce que l'affaire qui arrive à LA, c'est que Luc Robitaille est tellement innocent qu'il inverse le centre de bronzage avec le salle de chimiothérapie. Tu vois, il y a comme... Eux autres, il y a un genre de mock draft à gauche, puis il disait que Dylan Cozen était 9e dans les choix, celui que toi t'as choisi. Donc, on verra qui a raison, ah, nous autres, au Sportsnet. On va voir. C'est qui, lui, Calis? Ça doit être... C'est le vendeur de char à Luc. C'est son dealer de crème solaire. On va voir qui en est. Là. Puis qui oh, Alex Turcotte! Oh! Un Américain de Elk Grove, en Illinois. Donc, c'est Turcotte. Alex Turcotte. Je l'ai mis 7e. C'est un joueur, dans le fond, là, c'est comme la réincarnation de Ryan O'Reilly. Un gars qui est bon dans les deux sens est-ce de la patinoire. Est-ce que c'est ce que Sportsnet vont dire aussi? Ils vont sûrement dire « Sakukaïvou ». On va voir. Pas. Écoute, un autre Américain qui part, c'est le, un autre Américain, dans le fond, techniquement, c'est le deuxième. Fait que, non, eux autres, ils disent comparable à Patrice Bergeron. Ah, ben c'est ça. Ben, c'est un joueur défensif. Là, c'est, qui a gagné le Selkie cette année? Hein? Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un joueur two-way peut améliorer son gabarit et sa shot et potentiel de deuxième ligne, de centre de deuxième ligne, en fait. Écoute, à LA, ils ont Kopitar. À LA, ils ont des troupes partout, man. Ils ont donné un contrat à Alex Kovalchuk. Non, c'est pas vrai. C'est quoi son esti de prénom? Ilya Kovalchuk. 6 millions pour... écoute, je pense que c'est 3 ans. En tout cas, je l'espère. Ça n'a aucun sens. Le gars, il calisse rien. LA était d'un club genre à battre dans l'Ouest, un club facile à battre, tout court. Alex Turcotte, c'est une bonne acquisition. Ils ont aussi un autre jeune. C'est un jeune, on dirait qu'il a un nom italien. Là. Gabe quelque chose, là. Je sais pas de qui tu parles. C'est un autre joueur de centre canadien. Fait que Early, encore là, prépare sa ligne de centre pour les années à venir. Kopitar, qui va être encore bon pour, je crois, facilement 6, 7, 8 ans. Alors, bon, je vois les... bravo pour les Kings. On verra qu'est-ce qui va se passer avec ça. Les prochains à parler après les Kings, c'est les pauvres Red Wings de Détroit. Je salue Mathieu Gélina. On salue aussi celui qui est supposé nous faire payer cette année. Là. qu'on n'a pas repêché l'année passée. Ah, Zadina. Justement, qui est sorti sixième aussi. Fait que les Red Wings, ça fait deux années de suite qu'ils ont un sixième show total. Fait qu'on va voir ce qui va se passer avec eux autres. Mais pour les Kings, en tout cas, on va voir. Là, on parle du rachat du contrat de Faneuf dans le chat. Oui, ils ont racheté son contrat, Diane Faneuf. Est-ce que Diane Faneuf pourrait être aidé encore en équipe? Oui, de moins en moins. Pour aller chercher de la bouffe au IGA en culotte de jogging, peut-être. Là. Probablement, mais ça, c'est un gars que je vois dans le Ah non, ça, c'était Evander King qui faisait ça, je pense. Ouais, lui, il battait sa blonde en section des céréales. Mais qui était qui allait en jogging à l'épicerie? Là, c'est lui. C'est lui, ça. C'est lui, ça. Un gars de San Jose. Il y a une pause, on va vous enlever ça tout de suite. Puis je vais aller profiter de la pause, JF, pour te chercher une bière. Fait que tu peux donner de l'info complémentaire pendant ce temps-là. Je m'en vais au bord. Si je peux retourner en arrière, je vais reparler des Jets de Winnipeg parce que j'ai oublié de parler des commentaires que j'ai lus des fans. À New York, c'est le party, naturellement. Jacob Trouba qui se joint au club. Ils ont été en reconstruction puis ils ont décidé de shifter sa cinquième vitesse pour s'améliorer direct avec Trouba. Puis c'est un jeune défenseur, dans le fond. Fait que c'est pas une mauvaise acquisition. Il a 25 ans. Il va être écœurant pour les 10 prochaines années. Tandis qu'à Winnipeg, tu avais des fans qui étaient en tabarnak parce que les autres, ils comprenaient pas c'est quoi ce move-là, blablabla. Ben, tu sais, veux pas, ça s'en allait vers cette direction-là. Ben, tu avais des fans plus posés qui disaient que, bon, ben, Trouba va avoir beaucoup plus de facilité à trouver de la cocaïne à New York qu'à Winnipeg, parce qu'à Winnipeg, il y a plus de neige que de coke. Alors, ça va être à suivre. J'ai bien hâte de voir la direction des Jets vont prendre dans les prochains jours. Comme je disais tantôt, beaucoup d'équipes sont à côté bien raides. Les Red Wings de Détroit, qui sont en reconstruction à l'heure actuelle, ils ont signé tellement de vieux vétérans à la Thomas Vanek. Ils ont des gars de 50 ans dans leur alignement. Eux autres aussi sont à côté. Fait que leur reconstruction, genre, ça va pas bien. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'économies à faire. Puis, ils n'ont pas les moyens d'aller chercher un mauvais contrat pour avoir un autre choix repêchage en retour ou un jeune prospect. Un peu à l'échange, je donne toujours cet exemple-là parce que pour moi, c'est la plus belle transaction qu'il y a eu dans ce type-là. C'est quand que les Hurricanes à Carolina ont été chercher Tuukka Rantanen. Ils se sont débarrassés d'un contrat d'un autre attaquant que je ne me souviens pas son nom. Brian Bickle. Et puis, ils ont dû donner Tuukka Rantanen pour se débarrasser de son contrat. C'est un gars de 70 points avec les Hurricanes à Caroline. J'ai regardé comme un Benjamin de la contente sur Twitter. Effectivement. Oh, puis c'est vrai, j'avais complètement oublié que les Red Wings de Détroit, c'est officiellement le départ de Steve Yzerman en tant que directeur général des Red Wings. Alors, Steve, qui a bâti les Lightning de Tampa Bay puis qui a donné ça à Julien Brisebois. Ça va être son travail de rebâtir le club qui a joué pendant toute sa carrière. Il avait démissionné du Lightning pour se rapprocher de sa famille et puis il a décidé de se joindre aux Red Wings de Détroit. J'ai hâte de voir ce que Steve Yzerman va faire avec le club. Est-ce que ça va être aussi long que le Lightning? Est-ce qu'il va être capable de faire la même chose? C'est dur à dire parce que c'est deux contextes différents. Tu vois, dans le chat, il y a Montreal Expo One qui dit que Yzerman, c'est un bon DG pour une reconstruction. Là. C'est ça, mais tu sais, dans le fond, combien de temps ça va prendre? Y a-tu hérité de bons éléments? Il y en a des bons éléments. Dallin Larkin, qui est un très bon joueur de centre. À défense, écoute, il y a des bons joueurs, mais il me semble que j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit ou ce que c'est comme « wow ». Fait que, genre de voir, est-ce que les Red Wings vont, 6-5 ans, ressembler aux Red Wings qu'on a connus les années 2000? Alors, ça va être à suivre. Y a-tu déjà des son nom? Oui, Moritz Seider. Il repêche un défenseur. Un Allemand. Zell, Germany, né le 6 avril 2001, 6 pieds 3, 208 livres. Et moi, je l'avais 14e. Wow! C'est un défenseur droitier. Ben justement, je parlais tantôt que les Red Wings n'avaient pas beaucoup de défenseurs. Puis là, ça m'a regardé pas en venir, en tout cas. Là. Fait que... Moritz Seider. Mortis. C'est-tu Mortis? OK, j'avais fait une inversion dans mes lettres. Moritz. Fait que c'est un défenseur de 6 pieds 4. Fait que un autre gros gars, écoute, c'est 208 livres quand même. C'est un projet à long terme. Ouais. Tantôt je disais que des 10 joueurs qui vont être repêchés pourraient faire le club là. Il est chanceux parce qu'il n'y a pas grand-chose à Détroit en défense, qui pourrait probablement faire le club là. Écoute, moi je le comparais à qui? À Seth Jones. Les autres disent à Zach Werenski. Fait que, top 4 défenseurs. La seule différence avec Werenski, c'est que c'est un petit joueur, tandis que Seider, c'est... Écoute, c'est un gros, là, c'est un tabarnak. Là. Seth Jones, il pourrait avoir peut-être un style semblable à Weber, peut-être moins agressif que lui. Fait que, écoute, on dit dans le chat que Bergevin aurait été très intéressé par Seider, qu'il l'aurait rencontré en Allemagne. C'est rare les joueurs allemands dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas beaucoup. Le meilleur que je peux te nommer, c'est Leon Draisaitl. Ah, c'est un Allemand, je ne savais même pas, tu vois. Puis Olaf Kolzig. Je rien Marco Sturm. Je n'ai rien à dire. Ok. Ah, il y a un nœud papillon. Il y a un... Ah, c'est cute. Hey, Jeff, je vais juste prendre une petite pause pour déboucher ma bière. Ben oui, vas-y. Moi, je vais commenter, en fait, les photos qui se prennent en ce moment. Il aurait gagné le Elite League Championship 5-6 en 14 games dans les playoffs. Fait que c'est un bon joueur. Son nœud papillon est un petit peu weird à moitié rentré dans le chandail. C'était statistique en 2018-2019. 29 parties jouées, 2 buts, 6 points. Il a joué dans la Ligue des adultes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de points. C'est pour ça que... Fait que quand tu joues dans une ligne des adultes, on dirait que... C'est clair. C'est comme si ça le préparait un peu pour la Ligue nationale, parce qu'il joue déjà contre des gars qui ont du poil. Mais, tu sais, en tout cas, on va voir si c'est un gars qui préfère le club à Détroit. Je pense que les chances sont bonnes. Et puis, je salue Matt Gilina qui dit qu'il croit en Heisman et qu'il ne peut pas faire pire que Ken Olin. Je suis d'accord avec toi, Matt. Alors, ça va être à suivre. Et puis, les prochains à parler, c'est les Sabres de Buffalo, GF. Septième position, les Sabres de Buffalo. Mais on se dit... Tu sais, justement, pourquoi j'ai dit ça, c'est que les Sabres m'ont donné un contrat à Jeff Skinner. Tu sais combien ils ont donné à Jeff Skinner? Je me l'ai dit, mais je ne me rappelle plus. 9 millions par année pendant 8 ans. Jeff Skinner. C'est quel âge, Skinner? Skinner, je pense qu'il a 28. Ça l'amène à 36. C'est quand même un long contrat, ça, là. À 9 millions par année. Jeff Skinner, il a compté 40 buts l'année passée, mais l'affaire qui arrive, c'est que je pense qu'il en a compté 38 en première moitié de saison. Il y a eu une deuxième moitié de saison bien ordinaire. Et puis, c'est un gars qui est fragile. Il a été chanceux l'an passé parce qu'il a produit, mais à cause de son deuxième moitié de saison qui était comme coup-ci, coup-ça, là, c'est tellement d'argent. Tu sais, je peux comprendre qu'ils ne voulaient pas le perdre, puis que dans leur tête, ah, ben, tu sais, on a un marqueur, puis ça prend un marqueur pour jouer avec le frisé. On va garder Jeff Skinner. Mais tabarnak! Hey, si Skinner vaut 9 millions par année pendant 8 ans, combien que Duchesne va demander? Trop. Écoute, c'est hallucinant. Là. Puis Marner, penses-tu pas qu'il rit en dessous de sa fausse moustache? C'est sûr, si Chris, en tout cas... Tu vois, Skinner est le meneur des sabres à 40 points. Puis on a le Jack Eichel qui est le meneur à 40 buts. Puis le meneur des assists, c'est Jack Eichel. Puis Eichel est le meneur au total des points à 82. Puis le gardien de but meneur, c'est Carter Hutton. Sauf que tu vois, là, avec 18 victoires. Ils disent que Skinner avait 7 game-winning goals. Fait que c'est quand même un joueur qui est capable de changer l'allure d'un match. Mais sur 40 buts, c'est quand même... C'est le quart quasiment. Presque le quart. C'est ça. Mais ils ont tout compté la première moitié de saison. Ah, ben là. Les Sabres n'ont pas fait les séries encore. Ils commencent à sentir de la soupe chaude. Écoute, dans l'Atlantique, t'as Tampa Bay qui vont être encore dans le top. T'as la Floride qui vont tout essayer pour être dans le top. T'as Boston aussi. T'as Toronto, que je pense qu'ils vont baisser probablement dans les RHI. T'as le Canadien de Montréal à suivre. C'est une division qui est extrêmement dure. T'as les Red Wings de Détroit, d'après moi, c'est encore... Eux autres, puis Ottawa, c'est des équipes qui vont prendre quelques années avant de se remettre en marche. Fait qu'ils vont être patients, ils vont repêcher des bons joueurs. Puis après ça, on verra pour les années à suivre. Mais les sorts de Buffalo avec Jack Eichel... Tu penses qu'ils vont faire essayer, toi? Moi, je pensais que Nathan Beaulieu était là pour les sauver, mais finalement, non. Non, Nathan est avec les Jets à Winnipeg, puis on ne sait pas s'il va signer son nouveau contrat. T'as bien raison. Je me suis mélangé. Puis dis, qu'est-ce que, dans le fond, les Jets ont donné au centre pour avoir Nathan Beaulieu? Non. Du caca. Ben, c'est ça. Non, mais ça, je disais, l'année passée, je pensais qu'elle allait sauver, puis finalement, ils l'ont juste décrit ça ailleurs, puis c'est fini, lui. Anyway, Beaulieu, là. Il n'est pas assez sérieux pour être un joueur de la Ligue nationale. Il ne pourra pas revenir. Il pourrait peut-être signer un contrat, mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir un poste régulier. Magilina qui nous dit dans le chat, il devrait avoir un son effect de « Voyons donc, Steve, il faudrait que je repongue le clip de toi qui disait ça sur... Je me rappelle plus quel épisode, mais anyway, pour aujourd'hui, ça va mal. C'était dans le début de saison, justement. Parce que le soundboard est dans mes mains en ce moment, puis j'ai pas le fil assez long pour me rendre jusque-là. Fait qu'il n'y aura pas de son ce soir. On n'a rien à dire, anyway, à écouter comme extrait. On écoute... D'ailleurs, voilà... Jason Bortorill. Qui a repêché Dylan Cousins. Dylan Cousins. White Horse. Qui était mon cinquième dans le fond, c'était mon cinquième choix dans ma liste. Encore Jeff. Un Canadien. Un autre gars qui mange biologique. Man, 6 pieds 3, 183 livres. C'est pas gros, ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on... C'est-tu le chanteur québécois, tu sais? C'est pas le piché? Non, non, mais le gars qui a des cheveux longs, puis qui a la face ridée, puis qui était dans la voix. Je sais pas. Mais j'entends qu'Éric Lapointe est à un moment donné. Ouais, ouais. Ah non, on devient Québécois, il faut qu'on arrête ça tout de suite, je pense à ça. Comparable à Joe Pavelski, potentiel d'être un top line power forward de la Ligue nationale, quick release et sa taille, mais son size, 6 pieds 3, 183 livres, c'est pas gros, là, c'est... Non, c'est ça, lui, c'est... Puis il peut améliorer sa défensive et les face-offs, donc les mises en jeu. Donc lui, il n'aura pas le choix de manger un petit peu plus. Mais moi, je le comparais à Ryan Kesler dans ses bonnes années. Fait qu'un autre gros centre, les Sabres de Buffalo qui ont... Écoute, ils pourraient jouer à l'aile, là, au pire, là, parce qu'ils ont déjà Jack Eichel, ils ont Sam Reinhart qui sont au centre présentement. Et puis, il y a Casey Middlestad aussi qui peut jouer au centre. Là, tu as lui. Fait que... Dylan Cousins, qui est un joueur qui vient de Whitehorse, au Yukon. Le Yukon, c'est dans le nord, ça? C'est dans le nord, pas pire, je dirais. OK, fait que il connaît ça, le fret. Ah, lui, tu vois qu'il neige une couple de fois. Là. Non, c'est ça. Puis tu peux voir sous l'aisselle gauche qu'il y a eu un petit peu chaud. C'est le fun parce qu'avec ne son... Ne jamais mettre du bleu poudre comme chemise. Puis avec son nez de côté, on ne sait pas si c'est vraiment lui ou c'est un collé. Fait que c'est pas pire, là. C'est bon, hein? On dirait le frère Maï Paiement. Alors, on est trop québécois, encore une fois, ici. Buffalo, qui ont quand même un esti de beau noyau comme attaquant. Oui, oui. Défenseur, Ramuz Dalin, qui ont repêché l'année passée. C'est, encore là, leur problème, c'est devant le filet. C'est là qu'ils devraient s'améliorer, d'après moi, comme prochaine étape. Fait que ça va être à suivre, rendu là. Matt Lamar qui dit qu'il vient du Yukon puis il se fait repêcher à Buffalo, pauvre lui. Là. Non, il se fait... Ah, OK, ouais, je comprends. Dans les pires esti de ville. Il est pas à Buffalo, il est à Vancouver. Mais je comprends ton point. Suis la POC, Jeff, suis la POC. La prochaine équipe qui va parler, c'est les Braves Oilers d'Edmonton. J'étais comme, les Braves, tu te mélanges au sport, qu'est-ce que t'as fait là? Mais... Non, je dis qu'ils sont braves parce que, je sais pas, c'ti. Ils ont été chercher un nouveau DG, Peter Chiarelli s'est fait coller dehors. Excusez. Et puis là, ils ont engagé un vieux routier, Ken Olin, qui s'occupait des Red Wings de Détroit pendant des années. Fait que M. Holland s'amène à Edmonton pour essayer de sauver la franchise. Il n'y a pas une saga d'ailleurs en ce moment avec Edmonton? Ben là, tu as Jesse Pujujarvi. Pujujarvi qui a dit « Moi, je ne signe plus ici, puis vous me tradez ou ben, je m'en vais jouer en Europe. » J'ai l'impression qu'il va aller se ramasser à jouer en Europe, mais... Écoute, Ken Holland, c'est tellement un vieux routier que c'est pas le genre de gars que tu vas faire des menaces, tu sais. Surtout si tu n'as rien prouvé encore. Il va te prendre à la gorge dans le vestiaire et il s'en calme. Fait que là, il va dire, OK, garde, tu veux jouer en Europe, tu donnes une semaine pour t'échanger, t'es cave. Va jouer en Europe, je te signerai pas, puis je vais te faire poireauter ta barre. Ouais, ouais. Fait que, écoute, on va voir ce qui va se passer, mais c'est triste parce que GF, les Oilers, ils ont repêché souvent au premier rang. C'est un gros poisson, ça. Tabarnak, oui. Hein? Je sais pas pourquoi il monte ça. Ça vient du Yukon, ça. Ah, tu vois, son père, est-ce est encore là? Ouais. C'est normal. Toi, tu parles. En tout cas, je cherche le nom du chanteur encore une fois, là, mais. Il chantait tout le temps au casino, tabarnak. Non, non, mais je sais de qui tu parles, là. Ça va venir. J'ai juste Fernand Gignac dans la tête, mais c'est pas lui. C'est il y a tout le temps le nez rouge. Jean-Pierre Ferland. Oui. Mais Jean-Pierre Ferland qui se serait fait piquer par une guêpe. puis qui a renflé. Tu vois, Jean-Pierre Ferland qui a renflé de la face, là. Hey, on voit le bon Wayne. Oui, parce que ouais, le bon Wayne fait partie de l'organisation des Oilers en tant que spectateur. Pour vous, Spencer Knight, first ou second round? Ah, c'est vrai, ils ont même engagé Dave Tippett pour jouer avec les Oilers. L'affaire qui est bizarre, GF, c'est que j'avais lu une rumeur il y a un an, tu sais, genre que Seattle s'est amené dans le National et tout ça. Ouais, ouais. Puis ça disait que Ken Olin pourrait être le DG du nouveau club à Seattle puis que le coach pourrait être Dave Tippett parce qu'il faisait partie des actionnaires ou sinon des consultants pour amener une équipe à Seattle. Là, c'est les Oilers qui ont ramassé le paquet. Ben ouais. Fait que Dave Tippett, c'est un excellent coach. Ken Olin, on va voir ce qu'il va donner. Il a-tu encore à prouver? On va voir. Pendant qu'on voit probablement son assistant qui se remonte les culottes avec une chemise trop serrée. On amène le chandail ici. Écoute, les Oilers, la défensive commence à bien paraître. Evan Bouchard, ça va être un bon joueur. Mais pendant qu'il se prépare sur le stage, est-ce que... Tu vois, il demandait dans le chat Spencer Knight, premier ou second round, selon nous. On voit qu'il est, selon le mock draft de Sportsnet, il serait 13e en ce moment. C'est un gardien de but, fait que ça peut être possible. Pour ceux qui osent oser, je me tire une balle si le Canadien repêche ce gars-là. C'est ça. C'est le gars que je veux pas à Montréal parce que chaque, c'est comme. Ça va être une assiette qu'on va avoir, qu'on va se servir d'ici 3-4 ans. À moins que Marc décide d'échanger Kaden Primeau right now. Mais en tout cas, parce c'est ça, en ce moment, on a besoin d'une relève pour Carey Price, sauf que Kaden Primeau s'en vient dans quelques années. Fait que c'est une relève temporaire que ça nous prend. Philip Broberg, repêché par les Oilers d'Edmonton. Le deuxième meilleur défenseur du repêchage. Suédois, vient de Örebro. Puis Philip Broberg, lui, il était... Il vient de Örebro, puis il s'appelle Broberg. C'est même bizarre, Broberg. Ah, les Suédois. Mais, 6 pieds 3, il était 9e sur ma liste, le bon Broberg. Sorti 8e, quand même pas payé. C'est un autre gaillard, un autre gars biologique de 6 pieds 3, man. C'est tout des grands. C'est... Des 6 pieds 3, 200 livres, 200 quelques livres. Écoute, c'est un défenseur mobile qui contrôle super bien la rondelle. Son style de jeu, c'est Mathias Ekholm dans le style. C'est un gars qui... Ils l'ont comparé à Rasmus Ristolainen, eux autres. Le gars que le meilleur golfeur de la Ligue nationale qui a fini à moins 67 l'année passée. Top 3 défenseur potentiel. Fait que, tu sais, ce gars-là, dans le fond, c'est un gars qui pourrait qui a un potentiel offensif, mais... Mais tu vois qu'il a besoin d'améliorer sa gestion de la rondelle, fait que sa maîtrise de la rondelle, en fait, mais qu'il est bon patineur puis un bon playmaker. Fait que c'est ce qu'il faut, tu veux, pour un défenseur, en fait. Un corps arrière. Fait que les Oilers commencent à... On dirait vouloir préparer leur équipe par l'arrière avec déjà l'avant qu'ils ont. Écoute, ils ont McDavid puis Dreisaitl. Fait que il faut que tu nourrisses ces centres-là pour avoir une équipe puissante dans l'Ouest. Parce que dans l'Ouest, écoute, t'as Colorado, faut faire attention, t'as plusieurs clubs. La marche est haute, mais bon choix pour les Oilers d'Edmonton. Écoute, ça fait 2 années de suite qu'ils font du bon boulot. On va voir ce qui va se passer dans les années à venir, ou peut-être même cet été, pour voir si les Oilers vont tout faire pour faire les séries. Ils ont un mauvais contrat à Milan Lucic. Est-ce qu'ils vont l'échanger? Aucune idée, j'en doute. Dans le chat, on dit que Caulfield est toujours disponible et que c'est un gars que Bergevin aimerait beaucoup. Caulfield, moi aussi, je l'aime beaucoup. La seule affaire qui pourrait peut-être faire peur aux équipes, Jeff, depuis tantôt, on parle de gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 10. Mais ce gars-là, c'est un gars de 5 pieds 7. Ah ouais, puis on est... Mais il y a du talent offensif à en revendre. Ça pourrait être... Ouais, je vois déjà les... Genre de Johnny Gaudreau. Les commentaires, si on repêche un gars de 5 pieds 7, par exemple. Là. Encore une équipe de nains. C'est ça qui arrive. Mais moi, c'est pour ça que dans un monde idéal, si j'avais le goût de faire une prédiction farfelue, j'aurais aimé ça que le Canadien aille chercher 2 choix de première ronde pour aller poigner ce gars-là puis un défenseur. Pour moi, c'est un rêve, mais à date, écoute, là, on est rendu avec le choix des Ducks Anaheim, Ducks, qui est le 9e au total. 9e dans 3 minutes. Fait que le choix du Canadien arrive bientôt, mais là, on est rendu au 9e choix. Écoute, là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas eu de transaction pour le moment encore. C'est de plus en plus rare, les transactions. Calme. Il ne se passe rien du tout. L'année passée, il n'y avait quasiment rien. Il y a 2 ans, il y a eu des trades. Il y a eu, pour le Canadien, en tout cas, il y en a eu 2. Il y avait Andrew Shaw contre 2 choix de 2e ronde. Puis après ça, on avait changé Lars Seller contre 2 autres choix de 2e ronde. Fait que l'année passée, à ma mémoire, il n'y a pas eu beaucoup de transactions. Fait que on dirait que sacrément, on dirait qu'on est à un trade, que ça éclate, puis qu'après ça, on va avoir des annonces de trade quasiment journaliers. We have a trade to announce. Oui. Ça prend 10 minutes. Un infactus. Fait que c'est qui ce gars-là qui a des cernes en dessous des yeux? Je sais pas. Je suis pas sûr pendant tout. Il me dit quelque chose, est-ce-t-il? Mais ça, parce que tu vois, d'habitude, il se passe plein de rumeurs sur Twitter pendant le live, puis là, il n'y a rien du tout qui Non, mais on dirait que tous les DG ont décidé. Ils ont appris à texter au lieu d'aller se voir face to face. Il y a Frank qui demande si le cap a été dévoilé. Tantôt, on a parlé de 2,5 millions de plus. Ça a monté à 81. Ouais, c'est 81,5 ou 82 max. Fait que c'est pas une grosse 3 millions, c'est genre substantiel. L'inflation correspondant au taux de la vie. 2,5. Puis certaines personnes vont dire que c'est arrivé parce que au niveau de l'assistance dans les séries, c'était pas aussi fort que les gens l'auraient souhaité en raison du club à Saint-Louis versus, mettons, une équipe à New York, whatever. Là. Je connais pas assez ça pour vous dire un peu c'était quoi le fait qu'il n'y a pas eu une grosse augmentation. Mais c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour une équipe comme les Maple Leafs de Toronto. Pour une équipe comme les Golden Knights de Vegas, qui sont déjà rendus à 83, ils pètent déjà 2 millions, sont dans la merde. Puis Pacioretty dans le trade block. Directement, je m'en allais dire. Pacioretty est déjà dans le trade block. Il se fait-tu bien traité à Vegas, ça a l'air. Ah, mais là, tu vois, il va sortir une petite tapsaïa, puis ils vont l'échanger. J'espère qu'ils vont aller chercher une place où ce que le dépanneur, genre, fait proche de l'aéroport. Tu sais, c'est j'aimerais tellement ça. Fait que les choix qui s'en viennent, les Ducks, les Canucks, les Flyers, si le je Wild, suis ma liste, les Panthers. J'aurais peut-être un joueur de centre que j'avais mis 6e, c'est Trevor Zegras, qui est un excellent joueur de contrôle de la rondelle, du talent à revendre. Ça va être lui qui va sortir. C'est les Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim qui ont racheté le contrat de Archie Corey Perry. Écoute, ce gars-là, ça va leur coûter 2,65 millions dans la première année, mais l'année prochaine, c'est 6,63 millions sa masse salariale comme pénalité. C'est ça l'air d'un petit bon joueur, ça, 6.63. Fait que j'espère que les Ducks savent ce qu'ils font. Ça va être à suivre. Puis là. On a Tiffrain dans le chat qui dit Subban puis Pajot, toujours dans les rumeurs, c'est bizarre. Ben, c'est parce que c'est des gars à problème, selon moi. Subban prend beaucoup de place, puis pas beaucoup de monde qui aime le fait qu'il est vraiment trop exposé. Puis à Nashville, pour un défenseur qui paye 9 millions de dollars, c'est qui joue sa deuxième paire, puis qui a fait moins de 40 points. Les Ducks repêchent Trevor Zegras de Bedford, New York. Un joueur dans le style de Evgeny Kuznetsov. 6 pieds, 173 livres. 26 buts, 87 points en 60 games l'année passée. 9e par les Ducks, voilà. Fait que ça pourrait être un joueur à suivre avec les Ducks d'Anaheim. On aura les informations complémentaires dans quelques instants de Sportsnet. Je vous rappelle que Kuznetsov s'est fait pogner avec la drogue dans la chambre d'hôtel. Oui, on compare à Zegras à Tyler Seguin. Ses forces seront sa vision et ses mains. Peut améliorer son ballon et sa force et potentiel two-way forward dans la Ligue nationale. Ouais, ça pourrait être un gars qui va produire. T'sais, ils ont Ryan Getzlaf. Ça commence à faire vieux. Tout le Big Three, là, c'était les Ducks, San Jose, les Kings, qui c'était genre les équipes qui faisaient peur aux States. C'est devenu les équipes qui finissent dans les derniers rangs. Fait que pour les Ducks, on va voir combien de temps ça va prendre. C'est Bob Murray qui va essayer de rebâtir tout ça, lui qui avait bâti pour la première fois le club, puis ils ont gagné une Coupe Stanley. Dans le chat, on dit que le Caulfield Watch se poursuit. Ça pourrait être possible. Là, on est rendu au 10e rang. Les Canadiens arrivent à grands pas. Yes! Au 10e rang, on a les Canucks de Vancouver qui ôtent le draft. Oui, qui sont les autres du draft. Voilà. Alors qu'il met son jersey. Et voilà. Un gars des States qui est repêché aux States. Un homme fier. Il va être content. Il va pouvoir porter sa casquette MAGA autant qu'il veut. Et voilà. Il y en a un gars sage, par contre. Je sais pas. Il y a un gars qui peut se faire pogner sur des vidéos en train de faire de la poudre dans une chambre d'hôtel. Zegras. Probablement un poteur, ça. He likes to smoke Zegras. Zegras. Si je pouvais mettre mon son effet. C'est du gras végétal. Le gras végétal, voilà. Dread dans le mille, mon GF Alex qui t'a dit sur Facebook. Si je suis, mettons, pour le fun, ma liste pour la suite des choses. Ouais, on s'en va au numéro 10 après ça. J'avais Peyton Krebs, qui est un ailier gauche, mais c'est un esti de joueur de talent. Un playmaker, c'est pas un marqueur, c'est plus un passeur que d'autres choses, dans le style de Max Domi ou Matthew Barzal. Fait que ça pourrait être ça. On va voir ce que les Canucks vont repêcher. Dans 2 minutes 40, les Canucks seront. Krebs, c'est un Canadien, fait que ça pourrait être une possibilité. Sinon, t'as des défenseurs. Chicago, ils ont. Carlis, c'est la bière depuis tantôt. Ah, c'est ça qui arrive. Ils commencent à avoir une attaque qui a du sens. J'ai un feeling que peut-être Caulfield pourrait être repêché par les Canucks parce que t'aurais lui. Ouais. T'aurais Brock Boeser, t'aurais Elias Pettersson, t'as Bo Horvat qui est là. Ça commence à faire un esti de gros top 6. Ça, là. Jim Benning et John Westbrod. Jim Benning qui a déjà une dette parce qu'il avait dévoilé que Marc Bergevin voulait échanger Subban puis qu'il n'est pas obligé de nommer de nom sur la place publique. Mais finalement, Subban a été échangé une semaine après. Mais Benning s'est ramassé avec une amende. Alors, les Canucks de Vancouver, Benning a tellement l'air d'un athlète sportif, là. Ouais, c'est un gars qui a l'air d'avoir eu du vécu dans la face. Avec, on voit le jersey old school des Canucks ici dans la foule. Il était beau, ce jersey-là, pareil. Ouais, dans le monde, quand je vois ce jersey-là, je vois. Je vois mes cartes Pro 7. Pavel Bure, Trevor Linden. le goaler, je me souviens plus, c'était quoi son nom, c'ti? Brad Waite. Il joue pas avec eux autres. Non. Bourne. Il y avait aussi Cliff Ronning. Oui, oui. Un patineur rapide. Ross Cotnall, qui s'est joué aux Canucks de Vancouver à l'époque, il était à Montréal avant. Je me demande combien sa carte valait sur le Beckett en 98. Moins d'un dollar. Toutes les cartes valaient moins d'un dollar, point, de toute façon. Le frère de Jack Hughes, qui était pour mon choix de joueur que j'aurais voulu que le Canadien repêche, mais finalement, je ne regarde pas le choix de Kotkaniemi. Ouais. On voit que Pedersen, c'est un gars dominant. T'sais. C'est lui qui a mené pour les buts. Il a mené pour les assists. Donc, les avec 66 points. Les buts en power play. Il y a juste le goaler qui a plus de victoires que lui devant le net. Jacob Markstrom, un autre géant devant les poteaux. Fait Fait que là, on a du monde avec leur caméra. Là, le monde sont prêts, le monde attend parce que c'est leur équipe. Ce sera nous, ça, Jeff, l'année prochaine dans la foule, en train de vomir puis prendre des photos. Oui, puis ce qui arrive, c'est que ce qui est fun de voir la foule du repêchage, c'est qu'eux autres, ils ont tout le temps un espoir envers un joueur qu'ils veulent absolument avoir à Montréal. C'est comme à Montréal cette année, tu as beaucoup de monde qui veulent qu'on repêche Raphaël Lavoie. Je vais en venir jusqu'à temps qu'on arrive pour le Canadien de Montréal. Tu casses ça pour tantôt, même si quelqu'un t'a le spoiler sur Twitter. Ouais. Puis c'est Antoine City, ça, qui t'a spoilé. Gino Jick, ouais. Gino Jick qui part des fêtes générales. Ah, Gino Jick, je l'aimais tellement à Montréal. Gino. C'est ça qu'on criait dans les estrades au Sandbell. Fait que ton choix, c'était qui déjà pour lui, pour que tu disais? Ben, comme moi, dans le fond, moi, je pourrais parler Cole de... Caulfield, peut-être. Peyton sinon. Krebs, mais je serais pas surpris que Cole Caulfield soit repêché par les Canucks avec le tu sais, je pense qu'il fitterait dans l'ADN de l'équipe. Les Canucks ont re-signé Alexander Edler pour 2 ans, 12 millions. Oui, ils ont fait ça hier. Fait que c'est un défenseur de moins dans le marché des joueurs autonomes. Alors, la demande va être élevée pour le défenseur cet été. Carlson a signé avec les Sharks de San Jose pour 11 millions par année. 88 millions. Oh non, c'est 92 millions. Le gars qui parle, c'est-tu comme le curé de la paroisse à Vancouver, ça? Ou c'est... Je pense que oui. Il a l'air d'avoir beaucoup de salive, en tout cas. Ils sont vieux à Vancouver. C'est clair qu'il doit parler avec une patate dans la bouche. Il a fallu qu'il lise son papier pour être sûr de ne pas se tromper qui repêchait. Il y a même... Alors, qu'on voit ici le choix qui est Vasily... J'allais justement parler de lui. Podkolzin. Lui, je l'ai classé Moscow, dans Russia. Ma liste. 6 pieds. 11e. 6 pieds, 196 livres. Ça, c'est genre le Rick Nash russe. C'est un ailier droit. C'est un Potter, ça. Bon, là, il prend des enfants. Là, c'est son fils. Pendant qu'on voit encore Jean-Pierre Ferland en background, qui a commencé à désenfler un petit peu, mais pas tant non plus. Le chanteur de System of a Down qui était là, bon, alors voilà. Fait que, écoute, ils ont été chercher un Potter. Ils ont toutes la même vidéo d'intro, c'est drôle. Ouais, avec les rideaux noirs. Ouais. Oh, shit. OK, fait que tu t'es blessé toute l'année, lui, là? Ou c'est lui qui a blessé le joueur? Ah, il y a eu des blessures. OK, non, c'est une autre... Comparable à Evander Kane, donc il aime porter des pantalons de jogging. Ouais. Potentiel, top 6 winger, donc top 6 ailier. Un Potter. Fait que sur le... Il pourrait jouer sur le premier, deuxième et troisième trio. Ses forces, la maniement de rondelle et sa shot, et pourrait améliorer sa prise de décision, JF. C'est un russe. C'est son. C'est genre une flèche. Fait que, écoute, à l'écran, il monte des fans des Canucks de Vancouver. T'en as une couple qui applaudit, mais mettons, c'est pas le party. Ah, mais c'est des Russes, JF. C'est sûr que c'est pas le party, là. Tu penses-tu que ta réaction était la même que la nôtre quand Sergachev était repêché à Montréal? Je sais pas, mais tu sais bien que dans les estrades, quelque part, il y a un Russe avec un sniper qui est check avec une oreillette qui parle avec Poutine à son oreille. Eux autres, dis l'heure de pas sourire, mes estis. Ça contrôle tout. Vasily Podkolzin. J'ai hâte d'entendre les commentateurs dire son nom. Podkolzin. Comme un podcast, Podkolzin. Fait qu'un tough. C'est un russe, c'est clair, c'est un tough. Lui, il va partir sur une brosse de 2 ans s'il gagne la coupe. Écoute, c'est un gars qui protège bien la rondelle, qui est solide sur ses épaules. Solide sur ses patins ou ses épaules? Mais dans le fond, il est dur à tasser. Ah, OK, ben c'est un gros gaillard, dans le fond, c'est ce que tu dis. Ouais. Un gros gaillard. Fait qu'on va voir ce qui va se passer avec le jeune Podkolzin. Et puis là, les prochains à parler, c'est les Flyers de Philadelphie. Flyers Philadelphie. D'ailleurs, concernant les Flyers, GF, t'avais pas une petite demande, en fait, un souhait qui aille chercher Gus Tiber? Ouais, parce que les Flyers, là, écoute, Chuck Fletcher, il a engagé Alain Vigneault. Alain Vigneault a engagé son grand chum Michel Therrien. Ouais. Michel Therrien. Ça va aller fumer des clubs avec des services mis à la tête d'investisseurs là-bas. Wow. Oui, puis il a convaincu aussi Alain Vigneault d'engager son ancien élève Mike Hyau. Mike Hyau. Fait que les trois vont être entraîneurs à Philadelphie. Et Chuck Fletcher, il a commencé à chercher des défenseurs. Il a été chercher Matt Niskanen, 32 ans. Il a été chercher aussi, après la signature des Sharks de San Jose avec Carlson, ils ont été chercher Jamie Brown. Et puis là, il y a des rumeurs qui disent que les Flyers veulent se départir de leur défenseur Shane Gottesbear. C'est le gars que je veux à Montréal. Si j'ai un souhait, c'est qu'on aille chercher ce gars-là. Il n'est pas joueur autonome, lui? Ou... Il lui reste 4 ans, évalué à 4,5 millions par année sur son contrat. Qu'est-ce que tu penses que ça va prendre pour aller chercher un Gottesbear à Montréal? Écoute, les Flyers ont donné un gros contrat à Kevin Hayes. Ils commencent déjà à être à côté dans leur Ils vont demander des choix de repêchage, c'est sûr. Là. Oui. Moi, je vais aller loin. Là. Les Flyers, ils ont un une faiblesse du côté droit à défense. À Montréal, on a des défenseurs droitiers, on en a plus. Fait que, y a-t-il une possibilité qu'on échange un défenseur droitier pour Goddess Bear? Il y a des rumeurs qui disaient que Paul... que Paul Byron ou Andrew Shaw pourraient s'en aller avec les Flyers pour Goddess Bear, j'en doute fortement. Écoute, ça va être vraiment tôt. Je ne sais pas c'est quoi le prix qui va se setter. Chuck Fletcher, c'est un imbécile. Fait que ça se peut que ça ne soit pas si pire que ça, mais moi, je suis Marc. Je l'harcèle à toutes les fucking heures pour lui dire hey, « c'est quoi tu veux? Ouais. » Puis à un moment donné, mais s'il arrive de quoi, c'est le match parfait pour aller avec Shea Weber. C'est un gars qui bouge bien à la rondelle. C'est un Américain, il a 26 ans. Fait que je pense qu'il pourrait fitter avec Montréal. Puis j'ai comme l'impression que les Flyers sont prêts à s'en départir puis qu'ils pourraient peut-être aller chercher des attaquants pour aller boucher des trous aux ailes. Aussi, c'est un défenseur droitier. Je vais aller loin parce qu'il y avait une rumeur sur Christopher Le Temps aussi qui était disponible, apparemment, parce que les Penguins aussi sont dans la merde au niveau de la masse salariale. Ouais, ouais. Veulent se débarrasser de Conton. Il y a des rumeurs sur Kessel. Mais si les Canadiens, mettons, iraient chercher Le Temps pour pas cher puis qu'on échange Petrie pour Goddess Bear, ça serait intéressant. Ce serait pas bien, mais c'est... Ça, c'est tout des beaux souhaits. La spéculation. Il se passera absolument rien, probablement. Là, c'est et voilà. Comme à tous les années. C'est fini. Là, les DG sont très prudents à cette heure. Ça se fait plus beaucoup des gros trades de, comme sans trop y penser. Là, puis je te passe un gros joueur par un autre gros joueur, puis let's go. Il y a Marc qui l'a fait à quelques reprises. Ben, c'est pas nécessairement des gros joueurs, mais c'est Gatchinuk. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh. We have a trade to announce. Je montre le son. C'est mon son, voir ce qui se passe. Hein? Ah, les Flyers ont changé leur choix de 11e ronde au Coyote de Phoenix pour le 14e choix. Donc, les Flyers ont changé leur choix pour baisser. Fait que contre le 14e puis leur deuxième choix au total. On va en avoir deux. Fait que les Coyotes de Phoenix, on s'en vient de repêcher John Sheka voulait absolument avoir le joueur qui va aller chercher là. J'ai comme l'impression que John Sheka va aller chercher. On repart le compteur. Fait que finalement, ça va être dans 3 minutes puis ça sera l'Arizona qui va aller repêcher 11e position, GF. Écoute, l'Arizona, John Sheka, honnêtement, s'il va aller chercher Caulfield... C'est ce qu'on dit dans le chat, Montreal Expo One. Je lève mon chapeau parce que ça serait un bon mot pour eux autres. Puis le pire, c'est que dans ma prédiction, GF... OK, moi je l'aurais donné à un défenseur, tu vois. Fait que puis le défenseur était repêché, qui est l'Allemand. Fait que on voit que Sheka dort debout. Pendant qu'il y a quelqu'un devant lui qui berce un bébé. On sait pas pourquoi, là. Fait que John Sheka a décidé de sacrifier son choix de première ronde et son choix de deuxième ronde pour aller chercher ce joueur-là spécifiquement. Qui est je serais pas surpris que ce soit Caulfield, pour vrai. Rendu là, c'est serais comme pas surpris ou tu serais surpris? Je serais pas surpris. C'est comme la carte cachée un peu ou le... Hey, puis qu'est-ce qui serait vraiment hallucinant, c'est que les Coyotes repêchent un gars genre qui est aucunement sur notre liste. Puis ça prouverait encore ma théorie comme quoi que ce gars-là, c'est un esti d'imbécile. C'est clair que c'est... Tu vois, genre, il y a un gars qui compte des blagues. Là, comme... Tu vois aussi le gars avec les grandes oreilles qui tourne sa tête à gauche puis à droite? Ouais. C'est lui, ça. Puis là, je comprends un pas... Un genre de Pierre-Carl Pelado. Mais je ne comprends pas, JF, pourquoi il ne se lève pas de bout pour aller caler son choix. Y a-tu un règlement où il dit qu'il faut que tu te lèves à 37 secondes? D'après moi, c'est dans une minute qu'il faut que tu te lèves parce que c'est ça. Là. Pour donner la chance aux autres de boire leur gorgée d'eau. Non, mais c'est pour tout le temps de se rendre, puis je sais pas trop, là. C'est d'un coup qui se passe un trade à la dernière seconde. Combien ça passe là, en fait, là? Puis j'ai demandé un renseignement, je pense que ça fait deux... C'est ça, pour la première fois en je sais pas combien d'années, les pauvres Coyotes n'ont pas eu de marqueur de 20 buts dans leur alignement. Ils ont fait des dons en échangeant Max Domi, ouais, en échangeant Darren Strong. Dans une minute, ils vont faire le choix au repêchage, puis ils se sont levés. Fait que je pense que c'est à une minute à peu près que tu te lèves, puis tu t'en vas vers le stage pour pas être sur le stage à poireauter non plus. Puis, Pour un gars qui se fie sur le Corsi, là, ça fait sept saisons de suite qu'il n'a pas fait les séries. Mais en fait, qu'est-ce que le bébé fait là? Je sais pas. Des fois, il y a des enfants, ça veut dire que des bébés. Mais d'après moi, c'est comme vous avez 3 minutes pour vous rendre au stage, puis that's it. Mais des fois, il y en a qui attendent parce qu'il doit y avoir des trades qui se passent dans la dernière seconde. T'sais, fait que. C'est juste pour ça, puis c'est pour que le choix aille plus vite. Là. Il sort à la main à Batman, le kid, il sort à la main. Ah, oh, si je l'ai déjà, ce petit kid-là. Oh, Batman, Batman, il a offert des bonbons. Mais c'est pas une place pour un bébé, qui reste sur un stage. Ben, si le bébé l'a offert, j'étais sur un stage au repêchage. Il n'y avait pas de gardienne, fait que là. Il y a juste des gardiens. Puis check bien ça, dans 18 ans, on va voir des images, des flashbacks. Souvenez-vous du bébé dans le temps que les Coyotes ont repêché tel gars. Hey, ça serait malade. Ben, finalement, c'est le je nouveau... m'en souviens. Il se fait repêcher top prospect par l'Arizona dans comme 17 ans. Là. On va vous mettre ça en duplex. Voilà. Je rappelle que Austin Matthews vient de Phoenix. Rien à dire là-dessus. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Aller repêcher un joueur? Voilà. Alors que... Christian Paul a vu ses mains dans les poches, cette petite calice de mal élevé. on dirait qu'il vient de mordre dans un citron. Hein, c'est... Alors, le 11e choix de l'Arizona sera, on va savoir dans quelques instants. Il a repêché 7 attaquants sur 9. Mesdames, messieurs. Des dernières fois. Alors. Voilà. Alors, gars avec les lunettes qui s'approche du micro. On homme, baisse le micro. C'est sûrement cet homme qui a convaincu. Qui a baissé le micro? Qu'est-ce qui s'est passé là? Le micro s'est baissé tout seul? Ouais. Oh, et c'est Victor Soderstrom, un Suédois okay, il était de Gävle, 6 pieds, 182 livres. Écoute, je l'ai classé 10e. C'est un défenseur. Un défenseur droitier. T'es pas loin des positions, en tout cas, écoute, à date. Là, dans, temps, un ou deux à inverser, puis c'est... À date, c'est pas pire, je suis fier de moi. Mais c'est bon, c'est bon. Soderstrom, dans le fond, tu sais, leur meilleur défenseur, leur pilier, c'est Olivier Ekman Larsson, qui est un défenseur gaucher suédois. Il pourrait être un bon père pour ce gars-là. Soderstrom, c'est un défenseur... Tu sais, genre, c'est un bon défenseur défensif. Défenseur défensif. Il est capable de produire un peu, mais sa force, c'est que c'est un gars défensif. On le compare à Duncan Keith, ce serait un top 4 défenseur. Ses forces, c'est un elite skating, fait que c'est un bon patineur, bonne vision et pourrait améliorer la force de ses tirs. Alors, écoute, jusqu'à maintenant, là, avec le nombre de forces... Cofield toujours là. Cofield, il est toujours là. Le nombre qu'on voulait aussi. Cam York, aussi. York, ouais. Fait que là, les prochains à parler, c'est le Wild du Minnesota, les Panthers de la Floride, les Flyers, qui est à 14e. Et puis après ça, c'est le Canadien de Montréal. J'ai hâte. Alors, félicitations aux Coyotes d'avoir fait un move. J'espère qu'ils ont fait le bon choix. Dans le fond, là, ce qui est le fun, c'est de mettre un astérix à aujourd'hui pour savoir lequel du joueur qui a été sorti au 11e rang versus le gars qui va sortir 14e qui va connaître la meilleure carrière. Ouais. C'est comme ça qu'on peut juger si le deal de Sheka avait du sens ou pas. On s'en parlera quand le bébé sur le stage va avoir 12 ans. Ouais, soyez prêts parce que dans ce temps-là, JF, dans 18 ans, on va avoir passé la 50. Je sais pas si on va être encore en direct dans 18 ans. À voir. On va être dans le VR. Ouais, on va pas le casser en vieillard. Quelle position vous classez Samuel Bolduc? Écoute, c'est un gars qui va sortir au deuxième rang, puis peut-être que je pense... Deuxième tour, tu veux dire? Ouais, c'est ça que je veux dire. Puis d'après moi, c'est un gars qui pourrait peut-être être repêché par le Canadien de Montréal avec leurs deux choix. Ils ont un choix, je pense, au 46e puis au 50e rang. Ça pourrait être possible, mais si, dans le fond, on veut savoir, moi, personnellement, il n'était pas sur ma liste, mais si je peux vérifier la liste de Guillaume Lefrançois de la presse, je vais te dire ça tout de suite, si le petit Samuel Bolduc faisait partie de ses joueurs dans la liste. Je vais le savoir. Non, pas on est bien plugué. Samuel Poulain, non? Non, il y a Poulain qui était classé 30e selon eux. Pendant qu'on va mais Bolduc n'est pas là. Fait que je sais pas, honnêtement. Puis même que je pense, j'ai comme l'impression que peut-être que je me mélangeais avec Poulain versus Bolduc. Mais ça va être à suivre. Coup 088. On vient de remontrer Kotkaniemi l'année passée avec la mère ou quelqu'un de la famille à Zadina ou je sais pas, quelqu'un dans la foule qui voulait que... C'était une tante à Zadina. Qui était à capoter parce que son souhait, c'était que Montréal le repêche, mais finalement, non. C'était non. Pas le cas pour tout. Puis, il y a quelqu'un qui avait écrit Cofield-Keller comme duo, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. Pour le monde qui écoutait live, c'était un best-of d'année passée, dans le fond, ce qu'on a vu là. Avec Kotkaniemi. Ouais. Là, on vous épargne les publicités de films de spin-off de Fast and Furious. Là. Ouais, Hobbs and Shaw. C'est quoi cette pub-là? Il y a comme. Un mix de Hobbs and Shaw avec des highlights de Crosby, c'est ça. Ah, c'est comme le gros commanditaire, en fait. Là. Ouais, ben c'est ça, t'as pas le choix. Là. Mais okay. on va vous épargner les pauses publicitaires parce que c'est ça. Alors, si je peux parler du Wild du Minnesota quelques instants. Vas-y, Jeff. Le Wild du Minnesota, qui est une équipe qui m'a fait penser beaucoup au Canadien de Montréal, mais je pense que le Canadien a évolué avec les jeunes prospects qu'on a sur la table. Ouais. Mais le Wild, c'est une équipe qui va tourner en rond. Et en rond, jusqu'à temps que Boudreau. Alex a lu son livre, ça a l'air. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alex, sur 10. Puis garde, je suis d'accord 10. Avec toi, honnêtement. Coach, wow, 0,8 égale idiots. Parce que, honnêtement, là, je ne sais même pas c'est quoi leur plan. Écoute, l'équipe a été un peu... sont dans la merde présentement grâce aux graines que Chuck Fletcher, le nouveau DG des Flyers de Philadelphie, a semées avec, il a donné 98 millions à Zach Parise et un autre 98 millions à Ryan Suter. Parise n'a jamais réussi à faire plus que 64 points avec le Wild du Minnesota. Il est tout le temps blessé, puis il reste, je pense, 4 ans sur contrat. Ils sont dans la merde. Devin Dubnyk est devenu un gardien de but so-so. Fait que, écoute, ils ont des trous partout, man, ils sont dégueulasses. Ils ont fait un bel échange en donnant Charlie Coyle aux Bruins de Boston. Ils ont été chercher Ryan Donato, qui a connu une bonne séquence avec le Wild. Mais l'autre trade qu'ils ont fait, ils ont échangé Nico Niederreiter contre Victor Rask. Et Rask a eu 3 points quand il s'est joint avec le Wild. Ça, c'était une transaction qui a été catastrophique pour eux autres. Fait qu'elles sont dures à suivre, les petits Wild du Minnesota. On va voir avec le temps qu'est-ce le Wild qui repêche dans 20 secondes. On va vous mettre ce beau duplex ici pour vous montrer l'état-major du Wild qui se dirige sur le stage. Et voilà. On va voir ce qu'il en est. Le meilleur marqueur du club était Zach Parise, 61 points. À quoi ne pas se vanter? Fait que qu'est-ce qui pourrait sortir là? Moi, dans mes choix, écoute, il y a encore un attaquant, c'est Peyton Krebs qui n'a pas été sorti. Moi, Cole Caulfield, je l'ai mis 13e. J'ai Matthew Boldy aussi, qui est un allié gauche des States. Là-dessus, là, c'est tout est possible. Est-ce que Caulfield pourrait sortir? Probablement. Je ne l'ai pas si haut que ça. Est-ce que ça va être Peyton Krebs ou sinon l'autre, c'est Matthew Boldy? Alors, Matthew Boldy. Hey, fallait bien que je le mentionne. Ailier gauche qui est repêché. Il vient de Milford, Massachusetts. Matthew Boldy, je ne veux pas, 6 pieds 2, 196. Je veux pas me vanter, là, mais c'était ma prédiction que le Wild allait repêcher. Matthew Boldy, mes notes là-dessus, c'est un excellent tireur. Il a un potentiel incroyable pour être dans le top 3 dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, c'est un joueur qui ressemble beaucoup à Mark Stone, moins le côté imbécile. Fait que c'est un bon choix pour le Wild du Minnesota qui repêche un gars natif des States. Sur notre Facebook, il y a Alex qui dit que le livre de Bruce Boudreau, c'est un esti de bon livre. Fait que lisez ça. Donc, Matthew Boldy, comparable à Mark Stone, c'est potentiellement un top 6 forward, donc attaquant top 6. Moi, j'ai dit 3. Bon, ben c'est encore mieux. Ah, puis il y a Mark Stone, regardons ça. Puis ses forces, son adaptabilité, c'est bon, ça veut dire ça. Playmaking, donc c'est un fabricant de jeu et il pourrait améliorer son accélération. Donc, adaptabilité, c'est ce que j'essayais de dire. Fait qu'il s'adapte à toutes les situations. C'est ça, j'aurais dû le dire de même. Lui, dans le désert, il sait quoi faire. C'est parce que j'ai comme traduit la moitié du mot dans ma tête en même temps que je le disais. Fait que là, il reste deux choix avant celui du Canadien de Montréal. Ça va 13, 14 et après ça, 15. Les prochains, c'est les Panthers à Floride. Ouais, pendant qu'on voit ici Matthew Boldy qui reçoit son chandail. Il donne des poignées de main à Pifenay. J'espère qu'il y a du Purell dans ses poches. Et puis, il va mettre le chandail et la casquette du Wild du Minnesota. Un gars fier. Toujours un bon moment pour un enfant de vivre un moment magique comme ça. Ouais, parce qu'on vous rappelle que c'est des enfants nouvellement adultes. Là. C'est des ados qui viennent de tomber 18 ans. Non, c'est ça, tu sais, ça coupe pas encore c'est le steak à la table. Ça fait pas, ça se fait encore des steaks, des machines à panini comme Bournival qui a pris sa retraite. Pris sa retraite. À cause des blessures, trop de commotion, le pauvre Bournival. Quand, tu sais, une moi, thèse, je me fais un steak dans la machine à panini. Ah ouais, OK. Ah, je suis ma tête la maillot. Tu sais quoi, ça devait être sec, smell de botte. Hein? Puis, regarde, tu vois, Boldy est le 4e meilleur espoir qui était coté au niveau des États-Unis, selon eux. On dit que son style aurait été modelé après Nikita Kucherov. C'est un peu son inspiration. Écoute, ce gars, il a une petite vision de jeu. Fait que il va probablement être un joueur qui va pas poter, mais produire beaucoup, rendre ses coéquipiers meilleurs. Écoute, moi, pour le Wild, j'ai rien à dire. Là. Ça semble être un bon choix. Et puis, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est qu'on s'approche du Canadien de Montréal. Notre prédiction, c'est fort possible que ça arrive. Bien là, l'affaire Caulfield est encore disponible. Mais si le Canadien arrive à leur rang, puis que Caulfield et Cam York est disponible, ça va être un esti de choix déchirant, GF. Mais qui est le meilleur choix disponible entre les deux? Le but, c'est de pogner le meilleur joueur qui va connaître une meilleure carrière. Écoute, dans un monde idéal, là, je rêve, là, c'est qu'on repêche Caulfield et qu'on aille chercher Shane Gottesbear, parce que ton problème du côté gauche à défense, c'est un problème immédiat. Tandis que si tu repêches Caulfield, c'est un projet à long terme. D'ici 2-3 ans, il pourrait être excellent. Fait qu'imagine un gars comme Caulfield avec Suzuki, Kotkaniemi, Domi, Drouin, puis toute notre gang d'espoir qu'on a, ça va être écœurant. Les Panthers qui, dans 2 minutes, s'approcheront du stage pour faire le choix numéro 13 de ce repêchage 2019. Dale Talon. La saison 2019-2020. D'ailleurs, pendant, comme c'est tradition, pendant les awards de la NHL, ils ont dévoilé le jeu de NHL 2020 qui sortait l'année prochaine. Et EA nous repasse la même estime marde. Ben, pas marde parce que c'est un bon jeu, mais... C'est un update jeu juste au niveau des rosters. Rendu là, vends-moi ça en DLC là, disponible. Là. Je veux pas de lâcher ce jeu-là. Il est pareil. Ils n'ont pas mis de nouveau mode ou à peu près pas. On veut un engin Frostbite. C'est pas arrivé. J'étais un peu déçu pour vrai. Là, mais il n'y a pas parlé à un moment donné qui disait que maintenant, quelqu'un qui achète le jeu d'NHL, avant qu'il y ait un nouveau jeu d'ici quelques années, c'est que justement, il va y avoir des updates qui vont se faire pour les nouveaux alignements. J'espère qu'ils vont au moins updater l'alignement, mais tu sais, c'est quand même. Ils vont-tu le faire pour le 19? C'est ce qu'on verra. Voilà. Comme les trous de cul peuvent se dire, à partir du 1er octobre, on arrête d'updater le jeu. C'est ce genre de voir, là, mais je pense pas me l'acheter cette année, le 2020. À moins que par Rétro Nouveau, j'ai un code pour faire la critique, je vais le prendre, c'est sûr. Mais non, je suis un peu déçu. Ils sont dus pour un renouvellement de leur engin graphique puis tout ça. Puis mais Jeff, j'aimerais avoir un retour de 2K dans le hockey. Si on peut parler un peu de jeux vidéo, ouais. Tu joues beaucoup à des jeux sport. Là. Ouais. MLB, c'est un jeu que tu achètes régulièrement? Je l'ai... Ouais, quand même, ouais. Fais-tu comme une couple d'années de suite que tu achètes le jeu? J'avais le 2016 le plus récent, je pense, ou 2015, puis j'ai eu le 2019. J'étais quand même content de l'update. Puis y a-tu une grosse évolution? Quand même, ouais. Ils ont amélioré beaucoup d'affaires. T'sais, ils ont racheté comme 2000 motions de joueurs, fait que ça améliore ce que tu peux faire comme move sur le terrain en défensif. Ils font des meilleurs updates, je trouve, MLB que NHL, pour vrai. Là. Ouais, NHL, c'est... C'est déjà parce que NHL, c'est pas une franchise qui pogne dans le monde comme le soccer va pogner. Ah, le soccer, je pense que c'est le jeu de sport le plus vendu. C'est ça, c'est ça l'affaire, mais quand même, je trouve ça un peu ridicule. J'aurais pensé qu'avec le changement de décennie, il en aurait profité pour ramener un nouvel engin, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de compétition dans le milieu des jeux vidéo NHL. EA Sports sont tout seuls à faire les jeux de hockey. Puis si je peux conseiller le monde, attendez de l'acheter au moins d'ici le temps des fêtes parce qu'il va tomber probablement à 30$. Je l'ai vu à 9$ cette semaine genre dans des magasins. C'est dégueulasse. Mais ça, tu n'es pas pressé, tu veux jouer avec ton ancien. Attends qu'il tombe en rabais. Là. Puis on se croise les doigts pour que le roster puisse être updaté quand même. Là. Sinon, on le fera nous-mêmes, si tu veux. Hey, t'as-tu que tes réponses, toi? Hein? Il a raison. Voilà la Floride qui va faire son choix en 13e ronde, GF. Donc, les futurs Nordiques de Québec qui vont repêcher. Spencer Knight, voilà. Ils ont repêché un gardien de but qui n'était pas sur ma liste. Mais qui est en train de me demander dans le chat. C'est ça, mais écoute. Les Panthers de la Floride, présentement, ils n'ont pas de relève au niveau des gardiens de but. Tu as Roberto Luongo, qui a une décision à prendre. Il y a 3 options sur la table. Est-ce qu'il va continuer à jouer? Est-ce qu'il va se mettre sur la liste des blessés à long terme? Comment tu peux mettre sur la liste des blessés à long terme si tu n'es pas blessé? Ou sinon, prendre sa retraite. S'il prend sa retraite, ça va faire mal aux Canucks de Vancouver parce qu'ils vont se ramasser avec une pénalité parce que dans ce temps-là, ils se donnaient des contrats de quasiment 12 ans. Puis pour baisser la moyenne de la masse salariale, les dernières années de contrat étaient de 500 000 affaires de même. Fait que Luongo, sa masse salariale, son contrat est à 4,5 millions par année. Mais on a des dans stats. Les livres, ça coûte 1,3 millions cette année. Puis les années suivantes, ça va être 850 000. Comparable à tout Korask, rapide sur la vitesse et le rebond, la contrôle du rebond et puis pour améliorer son play to deep. Écoute, leur lacune, c'était là leur lacune. Fait que, ils disent franchise goaltender. Fait que c'est un gardien qui va être dominant probablement. Là. C'est ça, mais par exemple, écoute, ça serait hallucinant si les Panthers le mettaient tout de suite gardien de but cette année. Là. Ça serait cave. Mais un gardien de but, c'est long à développer. C'est pas tous les gardiens de but qui commencent très jeune à la Carey Price. Mais écoute, s'il fait la ligue, ça pourrait peut-être être, mettons, dans 4 ans, puis il va peut-être commencer deuxième goaler. Fait que c'est un projet à long terme. Il y a un bon goaler entre les mains, mais c'est un projet à long terme. Tu sais, regarde tous les premiers goalers qui ont sorti dernièrement. Tu sais, il y a eu Campbell, qui n'est même pas dans la NHL encore. Jack Campbell, hein. Rick Tippett. Ils ont montré Malcolm Subban aussi, qui était sorti en première ronde. Le gars, c'est le deuxième gardien de but avec les Golden Knights de Vegas. Fait que, tu sais, un gardien de but, c'est super long à développer. T'sais, nous autres, on a un beau projet. Au 7e rang, on a repêché Kaden Primeau. Il est passé d'un gardien de but inaperçu au meilleur gardien de but américain présentement dans le junior. Fait que là, il va commencer peut-être la saison avec le Rocket de Laval ou sinon, si on décide de donner plus de temps de glace à McNeven ou Charlie Lindgren, s'il ne fait pas le club avec le Canadien de Montréal, peut-être qu'il va aller jouer dans East Coast League pour voir du rubber. Fait que c'est long de développer un gardien. Voilà. C'est ça mon point, GF. Voilà. Il y a Cause pour revenir aux jeux vidéo qui dit qu'ils vont probablement attendre la next-gen des consoles pour sortir leur nouvel engin. Ça peut être possible. Oui, mais là, s'il vous plaît, ramenez-moi ça sur PC, là, NHL. Il l'a plus. Il l'avait pas cette année, puis je pense qu'il l'avait pas l'année passée non plus. Puis c'est une aberration. Xbox sont tellement multiplateformes qu'il faut que tu aies ça sur PC. Le premier NHL que j'ai eu sur PC, c'était... je crois que c'est 98 avec John Van Beesbrook. Puis que l'intro du jeu, c'était comme, ils fondaient genre de l'or ou quelque chose, puis ils faisaient une puck, là. Puis c'était comme tout le processus. Ouais, ça faisait, oh, pas c'était malade. C'était vraiment fou qu'on avait des joysticks avec comme un contrôleur sur le dessus. C'était ouais, pour l'ordinateur, là. On achetait ça chez Club Price, vois, à l'époque. On dit depuis 2014 ou même 2012 qu'il n'y aurait pas de NHL sur PC. C'est une aberration. Si j'ai des grosses machines, je veux jouer sur PC. Mais à cette heure, avec l'Xbox Live puis l'Xbox Game Pass PC, ça se peut que ça revienne. Google Strada? Google Stadia. Stadia. Mais oui, c'est comme T-Frank dit, c'est une honte, puis je comprends pas pourquoi ils ne portent pas sur PC. Come on, là. Ils font le style bare minimum, là, EA Sports. Ça n'a pas de bon sens, là. On est galasse. Pas d'argent à faire sur PC, pas de Ultimate Team. Alors, les Flyers de Philadelphie qui ont... et changer leur choix de première ronde pour baisser de 3 rangs, vont parler au 4e rang, juste devant le Canadien de Montréal. Moustache. Qu'est-ce que les Flyers vont repêcher, honnêtement? T'avais qui sur ta liste? Moi, dans ma liste, encore des joueurs qui sont disponibles. J'ai encore Peyton Krebs, qui n'est pas sorti. Et puis là, après ça, ben, j'ai Cole Caulfield qui est là. Fait que... on va voir, GF, les Flyers, Chuck Fletcher, ça a l'air d'être un peu imprévisible à l'heure actuelle. Cam York, toujours disponible aussi, ton premier choix que tu avais. Cam York, là, entre autres, que moi j'ai mis 15e. Fait que, écoute, honnêtement, avec l'embauche d'Alain Vigneault, il avait le choix d'aller dans n'importe quel club cet été qui avait congédié leur gardien de but, leur entraîneur, je veux dire. Puis il a choisi les Flyers, qui ont un bon noyau à l'attaque. La défensive aussi paraît très bien. Ils ont enfin un gardien de but en Carter Hart qui donne de l'espoir à Philadelphie. Fait que là, Chuck Fletcher, il est là pour préparer le club à aller à un autre niveau puis ouais, faire ouais. Les séries dès maintenant. Fait qu'on va voir ce qu'ils vont donner. Les Flyers pourraient faire encore quelques changements d'ici la fin de l'été pour préparer leur club cet automne. Fait que là, j'entendais de la musique. Oh, c'est en haut, Caro qui écoute la télévision beaucoup trop fort. Oublie qu'on est live. Caro. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a des serpents qui vont sortir du vase. Alors, les Flyers de Philadelphie, GF, à 14e, juste devant le Canadien, s'en viennent sur le stage, sans la main à Gary Bettman. Puis, check bien les Flyers, trop de cul comme qu'ils sont, ils vont repêcher Caulfield. Ça se pourrait. Ça dépend c'est quoi leur besoin en ce moment aussi. Là, à moins que ce soit Krebs, là, mais écoute, les Flyers, honnêtement, là... ils ont besoin de plus de profondeur à l'attaque. Tu vois, selon le mock draft, les tops qui restent, c'est Caulfield et Krebs. Après ça, Kaliev. Il était même pas dans mon... Tomasino, Cameron York, Ryan Suzuki, Alex Newhook. Mais voilà, alors on va savoir... Chuck Fletcher va donner son choix en 14e rang pour les Flyers de Philadelphie. Cameron York! Yeah! Fuck! Fait qu'il a pogné le défenseur que je voulais avoir. Fait que déjà, GF, je suis fier de dire que pour une quatrième année consécutive, notre choix n'est pas sorti comme on voulait. Juste avant, mais on était près de choix. Fait que là, je confirme que le Canadien a repêché Cole Caulfield. Ben, on a comme pas le choix, sinon t'aurais quoi qui s'en venait? Écoute, dans mes défenseurs que j'ai après ça... Ah, t'avais Cole Caulfield en 13e, toi déjà, qui? À moins que ce soit la prédiction d'un gars qui a eu genre 2-2 des dernières années. Lui, il y avait, puis un gars de notre Facebook aussi qui l'a mentionné, Lassie Thompson, qui est un défenseur droitier. Ouais, c'est 20 ans. Puis apparemment, le gars, c'est un stud. Mais moi, j'ai lu que c'est un défenseur qui serait pas plus qu'un top 4, mettons, genre, dans deuxième paire. Fait que, on va voir. Ça va être excitant. Honnêtement, Thompson, j'ai presque pas lu sur lui parce que moi, je me concentrais sur ses 15 premiers choix. York, qu'on compare à Mark Giordano, smooth skating, son intelligence sur la glace. Pourrait améliorer getting shot through. Fait que ses tirs se rendent pas au net. Et puis, NHL, Power Play Quarterback, donc... vrai, comme piloter c'est le genre de gars qu'on a besoin actuellement. Ouais, mais actuellement, pas dans... Fuck you, Vigneault. Pas comme dans 4-5 ans. C'est actuellement qu'on a besoin d'un bon défenseur. C'est pour ça que je te dis que c'est pas dramatique parce que, si, mettons, si on aurait eu les deux, mettons que lui ou Caulfield serait disponible, là, je t'aurais dit, GF, on a cherché chercher Shane Gauthier. Il a été chercher un défenseur là, gaucher, fait que voilà. Ça peut être possible que Gauthier soit changé. Là, en ce moment, là, il y a comme la frénésie Caulfield dans le chat sur Twitch. Tout le monde est excité, pense qu'ils vont aller chercher Caulfield. Écoute, il y a la frénésie. Ici, à l'SDP, c'est Caulfield. C'est ouais. Les ouais, gens ouais. Qui ont une tête sur les épaules, c'est ça qu'ils disent, c'est Caulfield. Les épais qui écoutent ou lisent le Journal de Montréal ou écoutent les analystes de TVA Sport comme Yvon Penneau, eux autres, c'est Raphaël Lavoie! Ça prend Raphaël Lavoie! Ça prend des Québécois! Raphaël Lavoie, oui, a un talent, mais moi, j'ai parlé à des gens qui suivent le hockey junior majeur du Québec, dont mon nettoyeur. Calice! Puis Raphaël Lavoie, c'est un individualiste. Le gars ne pense qu'à lui. Son père a été impliqué dans un scandale à Chambly, JF, qui est à quelques kilomètres de chez vous. Ouais, c'était à 20 minutes en bicycle. Le gars s'est fait pogner par quelqu'un qui filmait avec son cellulaire sur un terrain de soccer. Le gars, il était en train d'engueuler un entraîneur bénévole et récréatif. Il disait que sa fille jouait pas assez. C'est du soccer, tabarnak. Ça joue 90 minutes à ce type. Puis là, il l'engueulait. Puis là, après ça, le salaire qui disait... Quand tu parles aux citoyens de Chambly. Il y a 30 000 personnes à mes côtés. Papa, tu coacheras plus jamais de ta vie. Puis il était filmé. Fait que le gars est accusé d'abus de pouvoir. Wow. Il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées autour de ça. Fait que il pue maire aujourd'hui. Ce que j'ai su aussi, grâce aux informations que j'ai dans la presse, je vous recommande fortement d'aller à la presse plus. L'information se trouve là. Ils ont beaucoup d'équipes ont posé des questions à Raphaël Lavoie pendant les entrevues puis tout ça au Combine. Ton père, il est où? Ton père fait quoi dans la vie? Puis il a dit qu'il était dissocié à son père, que ce qu'il fait, c'est ses affaires, puis lui, il fait les siennes, tout ça. Et puis après ça, on a appris que finalement, Raphaël Lavoie a descendu à Vancouver en VR avec son père et sa sœur. Fait que finalement, le gars, pour un gars qui est dissocié à son père, on s'entend qu'il est quand même très proche de lui. Alors, écoute, moi, la voix, je ne toucherais pas à ça. Si pour moi, c'est comme c'est de la peste, tabarnak. Je veux rien savoir. Ouais, puis comme on dit dans le chat, il y a Suzuki avant la voix, bien avant la voix. Là, mais oui, mais oui. But you all expose number one, you're fucking right, esti. Alors qu'on voit ici Marc Bergevin vêtu de ses plus beaux habits violet-marron. Là, c'est pourpre, ça, je pense. Tabarnak, hein? Tu vois qu'il est serré au niveau des biceps. C'est qu'il chauffe. Le Canadien va repêcher, je vais le mettre en duplex, dans 1 minute 30, alors qu'on voit Marc qui est très détendu, rit, parle avec des gars peignés sur le côté. Peut-être que dans le fond, hein, regarde ça, il parle. Il dit hey, tu t'attendrais-tu? Non, mange la merde. Peux-tu couper ton gazon chez vous? Je me cherche un sideline, je vais perdre ma job dans 2 ans. Je t'en demande, c'est quoi ton conseil ici quand les médias sont d'après toi? Chris, il est bien trop. Il est bien trop primé. Il est bien trop content. Je pense qu'il a comme l'impression, il dit, ah, si le gars qu'on a pogné, il va faire 40 buts dans 2 ans. Je pense qu'il est comme. Il dit, c'est le gars qu'on voulait qu'on va pouvoir pogner. Chris, honnêtement, là, tu regardes le saut à Jean-Marc, là, puis on dirait que c'est le saut de Joaquin Phoenix dans le film de Joker qui sort au mois d'octobre. Patte à l'envers. Chandail genre rose mauve. T'as-tu dit Jean-Marc? Ah, je voulais dire Marc. Le bon Marc. Le bon Jean-Marc, j'ai dit, ou Jean-Marc? T'as dit Jean-Marc, mais c'est le bon Marc. Mais tu vois que sont vraiment serrés dans leur chandail, tout le monde. Tout le monde est dans la classe noire. Il n'y a pas un joueur qui a dit qu'est-ce que tu as retenu de ton entraînement avec les Canadiens comme tout le monde est musclé. Là. Mais c'est justement... Toute la direction a beaucoup des gros bras. C'est un des Québécois qui avait parlé de ça. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Puis il dit, il était tout musclé. T'sais. Fait que c'est comme, OK, t'écoutes la soirée du podcast, je crois. Non, mais c'est clair. Mais on n'est pas les seuls à avoir remarqué ça. C'est clairement l'équipe... Claude est toujours aussi bronzé. Hein? Oui. C'est l'équipe de direction qui passe le plus de temps au gym. C'est la jeune fille. Chris, honnêtement, là, écoute, c'est plate qu'on n'a pas le rewind. Ça, là, c'est une moustache. Mais Claude, il marchait vraiment comme un petit pépé. Tu sais, ouais. Genre, il marchait, là, puis il avait le cul, genre. Il marchait comme un gars qui a pogné un coup de soleil derrière les. J'essaie de le montrer à l'écran, mais j'ai pas été capable. Là. Non, mais il marche comme un gars qui a pogné un coup de soleil derrière les genoux parce qu'il s'est comme couché sur le ventre à Cuba, fou, là. Fait que là, Marc, il se présente. Il va-tu commencer par. Marc. Why so serious? Alors, le choix du Canadien-Montréal dans quelques instants. Mesdames, messieurs, le temps qu'on attendait. Ah, je veux sa cravate. Ah, je veux qu'il prenne Caulfield rendu là. Est-ce que c'est lui qui va caler les choix ou ça va être Timmins? Habituellement, la tradition fait que ce soit Timmins. Ou Jeff Molson. Il y a un moment donné, c'était l'autre gars, genre super musclé, là, qui est à la droite de l'écran avec la cravate semi-attachée. Pendant qu'on a la stats en bas, que les Canadiens ont fait 96 points, puis c'est plus que plusieurs équipes qui ont fait les playoffs. Mais c'est le record de l'équipe qui n'a pas fait les séries avec le plus grand nombre de points en carrière, dans une saison. Non! Hey, c'est Shea Weber! Parce qu'il vient de là! Shea Weber! La grande fille porte le 6. Fait que papa... Papa Weber s'en vient faire... Papa est là. Il va chercher le gars et le prendre dans ses bras? Genre? Il va l'amener sur le stage parce qu'il est tellement grand. Fait que ça, c'est le moment tant attendu de la soirée. Alors, c'est le là Canadien qu'on va savoir qui c'est de qui Montréal se passe. Qui repêche? Ah, c'est lui qui a nommé le gars? Quand on a fait péter les aiguilles de VU là-dessus, JF. Ben oui, parce qu'il s'est passé quoi, les éclats? On s'excuse sur le monde, sur le live. On a fait péter le... On a fait péter ça. 5 pieds 7, 163 livres. Bon, il vient de Mossigny, dans le Wisconsin. Un talent incroyable. C'est un gars ou une fille, ça? Okay, de quoi? Je sais pas. C'est... T'as manqué de quoi d'incroyable? Ben, c'est un... Il y a le potentiel... Cole Caulfield. D'être un Johnny Gaudreau et peut-être même un marqueur de 40 buts. Check les jouets, gars. Ouais, on a conçu. Sont deux compressions, c'est ce que il c'est a battu ça le record de Austin Matthews en scorant sur le compte. On le compare à Alex DeBrincat. Hey, c'est ça, j'avais écrit aussi, gars. Cool. Alex DeBrincat sur ma feuille. Ses forces, c'est la vitesse et son lancer. C'est un top-line score. Pourrait améliorer sa taille et son D-zone, donc la défense. Et c'est un top-line scorer, donc c'est un marqueur naturel. Alors, on voit qu'il s'habille chez Gap. Ouais, the hype is real, même ici dans le salon des studios média. On est très excités. On vient il expliquera que... Ah, oh, c'est 80 gradeurs que Batman. C'est fou. Force égale talent, faiblesse égale grosseur. Chris, la pointe, il est bronzant, tabarnak, lui aussi. Pantalon blanc, veston bleu, c'est Martin Lapointe. Mais ça n'a pas d'allure, Chris, on dirait qu'il joue au basket dans NBA. Pour la grosseur, là, pour vrai, là, on n'est plus dans le début des années 2000. Non, c'est fini ce temps-là. Où c'est important d'avoir des gros gars vraiment imposants. Ils vont se faire brasser, mais s'il peut se relever, là, c'est des joueurs que tu veux de vitesse, ben, puis c'est des joueurs avec des mains. Tommy est petit, puis il garde, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu fret. Mais ben non, c'est ça. Il y a juste Drouin qui a un petit peu peur, beaucoup d'imposants. Je vois déjà certains médias. Je vois déjà l'estime imbécile, l'ancien éditeur de Safari, dire « Encore un petit Américain! » Garde. Michel Bouchard? Ouais. Là, je suis content parce que, écoutez, je vais vous le dire aujourd'hui, les amis, là, on a des très bons fans. Vous connaissez ça, le hockey. Ouais, vous bravo êtes pour vrai. Là. Poli dans les partages. J'ai jamais vu quelqu'un dire de la merde dans un chat. J'ai jamais vu dire quelqu'un dire de l'amende sur Twitter, sauf Mathieu Lamar. Je suis content, je suis choyé d'avoir un bon fanbase. Non, on a vraiment un fanbase de gens qui aiment le hockey, puis ça paraît, puis c'est pas juste des fans qui sont là juste pour chialer, fait que c'est très le fun. Là. Ah, puis écoute, tu vois que encore là, peut-être une chose à améliorer, c'est comment se peigner. Ouais. Mais ben là, Clamé a été peigné avec un leaf blower à distance. Puis il faut pas partir en peur parce que je doute fortement que ce gars-là soit prêt. Cette année, ça serait terrible, mais un gars de même du collège américain, un peu comme Paling, il va probablement faire 2 ans encore à l'université. Ah, ben ça, puis Alex. Après ça, il pourrait venir à Montréal par la suite. Alex dans le chat qui dit que les petits Américains sont payés en crise pour nous autres à date. Là, il a raison, il a raison, notre ami Alex. C'est ça. Là, on voit Trevor qui ride un peu des yeux. Ouais, ben c'est parce qu'il s'est pas mis assez d'huile de coco. Mais lui, il a une hostie de grosse cravate, pareil. Hein? Ah, c'est fou, là. Qu'est-ce qu'il y a un nœud Windsor? Ça, c'est un adresse de dire ça, c'est un nœud Windsor, ça. C'est clair. Fait comme un pro avec des grosses mains. Moi, j'ai toujours trouvé que les nœuds Windsor, c'était un nœud pour les mafieux. Pour les mafieux ou pour les messieurs de business, là? Je pense que mon père, c'est des nœuds Windsor. Mais est-ce que ton père vient de cette génération-là, j'avoue? Ben sinon, soit que t'es médecin ou que t'es un mafieux. Ben en fait... En général, si t'es un médecin, t'es probablement un mafieux aussi. OK, fuck. La fameuse mafia des médecins. Oh. Vous écoutez la jasette, mais j'en parlerai un jour de ça, de la mafia des médecins. Là. Alors qu'on voit les plus petits first round picks. Oh shit, le dernier c'était Keller Yamamoto, qui est présentement un choix qui déçoit énormément à Edmonton. Sinon, avant, c'est Ken Hicks en 67. Je parle Oakland, esti. Troisième round pick, puis ça. Puis dans le chat, on disait que c'est probablement à cause de sa taille qui a glissé dans les shows de repêchage, parce que le talent est là, mais... C'était un peu l'impression que j'avais, parce que, écoute, c'était tout le temps des gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5 qui se faisaient repêcher. Puis, écoute, c'était notre souhait qui baisse. Moi, je l'ai mis 13e, et puis j'avais peur que les gars de Phoenix transigent pour aller chercher ce gars-là. Finalement, ils ont été chercher un défenseur. Fait que, écoute, honnêtement, c'est un don du ciel parce que Caulfield, écoute, si je regarde, écoute, moi, il était 13e sur ma liste. Sportsnet s'est mis 7e. Et si je regarde la liste de nos amis à la presse, je vais juste aller voir rapidement, dans le fond, de 1 à 10 au cas où. Pendant qu'Alex nous fait la clarification que le nœud, tantôt, c'était un double Windsor, en fait, qu'il y avait. Donc, okay, ben, c'est pour ça que c'était gros de même. Alex. Connais ses cravates, Alex. Connais ses cravates, cet ami-là. Fait que. Voyons, ils l'ont mis au Caulfield. Pendant que l'Avalanche Colorado se dirige sur le stage en ce moment pour le choix de 16e round. Alex, qui nous fait remarquer aussi que Caulfield, il a l'air tellement content, il avait un sourire à la Kotkaniemi, donc... Tu vois? C'est les joueurs que tu veux à Montréal, c'est l'attitude de ces joueurs-là. La presse, eux autres, l'ont mis 10e. Qui ça? Caulfield. Bon, ben ça veut dire qu'il était plus haut que ce qui a été choisi. Puis, regarde, 7e, non, il était plus bas de ce qui a été choisi, tu veux dire. Ouais. Ben, eux l'ont mis plus haut, mais il a été choisi plus bas, ça. C'est ça, exactement. Fait que Colorado, finalement, qui ont décidé de garder leur deuxième choix de première ronde... écoute, JF, rendu là, on peut peut-être voir si Raphaël Lao est repêché au premier rang. Ça va être... Alex Newhook, un autre Canadien de Saint-John. Puis lui, tu vois, lui, était... C'est un centre, lui, de 5 pieds 10. Aucunement sur ma liste. Tu vois, 5 pieds 10, 192 livres. Il y a un gars avec un chair de Newhook qui est très content dans la foule. Tu vois, la presse, Guillaume Lefrançois, lui, est tombé dans le mille parce qu'il avait prédit au 16e rang. Tandis que moi, au 16e rang, j'avais... Simon Holmstrom, mais par contre, il y a un joueur qui a baissé énormément. Écoute, je l'ai mis 8e, là. C'est un allié gauche, c'est Peyton Krebs. Ouais, hein? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec Peyton Krebs. Est-ce qu'il sentait l'air quand il a passé son entrevue? J'en ai aucune idée. Fait que Alex Newhook, ça fait genre un nom de vedette. Hein? Newhook passes to Kerfoot! Newhook! Let's go! Fait que bravo pour... C'est un nom que t'en aurais dans genre NBA Jam, là. Newhook with a shot! On te fait... Tantôt, on m'a dit dans le chat, est-ce que le jeu de NBA va pogner plus cette année à cause des Raptors? Peut-être. Clairement, il y a un engouement pour le basket à Montréal. Ben, pas à Montréal, au Canada, partout. Là. Moi, personnellement, le jeu de NBA, j'y trouve plate parce que c'est trop technique. Parce qu'on a été brûlé avec des jeux grandioses comme NBA Jam. Dans Mais c'est pour ça que moi, si j'ai un jeu à vous suggérer, c'est NBA Playground. Il est pas cher en plus parce qu'il n'y a pas eu des bonnes notes. C'est NBA Jam... aujourd'hui. Moi, j'ai la première version. Puis là, écoute, j'ai du fun en tabarnak avec ça. Là. T'es pas obligé de choisir. On parle un peu d'NBA. Jeff, je m'en excuse. C'est correct. Mais donc, quand tu parles des Raptors, t'es pas obligé de prendre juste des joueurs des Raptors. Quand tu fais ton équipe, tu choisis les joueurs que tu veux. Ah, cool, ça. Puis après ça, tu pars avec ça. Puis c'est du basketball de rue, mais c'est des hosties dunk de malade. C'est arcade au bout. Fait que s'il y a un jeu d'NBA à acheter, ça sera ça. Bon, ben voilà. Alors, bravo à l'Avalanche Colorado. Après l'Avalanche Colorado, c'est le choix des Golden Knights de Vegas. On devrait se rendre jusqu'à peu près 10 heures, d'après moi, Jeff, pour le podcast live. On ne se rendra probablement pas jusqu'à la fin des 30 minutes. Oh, il reste une petite minute. On peut toffer jusqu'à 10, facilement. Facilement, parce qu'après ça, on s'en calisse. Ben ouais. Mais en fait, notre choix principal était le Canadien cette année, donc voilà. Puis l'année passée, c'était assez souffrant de se rendre à 4 heures de podcasting, mais je pense que les gros picks dans les 20 premiers vont être choisis, donc... Ben, c'est ça. Cartouches de NHL, Raphaël Lavoie, il s'est fait poser plusieurs questions. Je sais que TVA Sport était bandé sur lui, mais écoute... Oui, mais ça, c'est pour le monde qui ne connaissent pas le hockey d'aujourd'hui, qui ne veulent que des petits Québécois tout le temps. Arrêtez avec ça. Là, c'est rendu vraiment harcelant. Harceleur? Oui, puis là, tu vois, beaucoup de monde qui prédisent Lavoie va être repêché par les Penguins de Pittsburgh au 21e rang. Puis qu'ils vont le mettre tout de suite avec Crosby. Ça peut être possible, tu sais. Un gars comme Crosby peut transformer un marqueur ordinaire en gars de 30 buts facile. Probablement que moi, je marquais 40 buts dans NHL en jouant Crosby, là. Bon, c'est... fait qu'on, c'est pour ça que... Puis je n'ai pas patiné, fait que c'est... S'il est repêché là, tant mieux. Mais il y a Anguille sous roche. Ça allait être un petit troublemaker avec son père. Tu sais, moi, je vois déjà, mettons, s'il arrêtait à Montréal, un journaliste connaît chez son père, puis il dit... Puis ton gars, finalement, Terrien, l'a fait jouer 7 minutes. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Ouais, t'as rien, connais rien. C'est Suzuki? Non, c'est encore. C'est encore Newhook? Newhook, ouais. Avec sa blonde qui joue au hockey aussi. C'est de sa blonde, ça? Ou sa sœur, je sais pas. Il se ressemblait. C'est peut-être sa sœur, en fait. Ouais, ça a des bonnes chances. À moins que ça soit genre le filtre de Snapchat. Ah, alors, on s'en va en pause, JF, donc je vais changer, enlever l'écran ici. Puis on vient après la pause. C'est Manon Massé, ça? Il y a des Asiatiques qui sont surpris dans la foule. Ben là, on ne le montre pas à l'écran. C'est ça. Moi, si je peux... On se rend jusqu'au numéro 20. T'as parlé... Vas-y, t'as-tu des infos que t'as pas données encore? J'ai pas mal fait le tour, honnêtement. Mais si je peux te parler de la liste d'épiceries de Marc Bergevin pour le 1er juillet, vu qu'on arrive là dans vraiment pas long. J'ai comme l'impression que Marc, s'il y a un move à faire le 1er juillet, c'est qu'il va aller chercher un gardien de but pour seconder Carey Price. Faudrait, parce qu'en ce moment, on est dans le manque parce qu'ils n'ont pas renouvelé le contrat à Tantiniemi. Non, puis Lindgren, fortement qu'il soit le deuxième goaler à Montréal. On l'a vu, puis il était très, très shaky. Là. Fait que, écoute, il y a une situation qui se passe présentement en Caroline. Si j'ai des rapports. C'est correct. Les Hurricanes de la Caroline, je te dirais qu'on a forte chance de ne pas garder leurs deux gardiens de but qu'ils ont menés en série cette année. Le propriétaire trouve pas ça normal de payer un gardien de but plus qu'un million. C'est moi. Fait que Peter Mazurek serait possiblement agent libre. Si c'est le cas, moi personnellement, je pense que ce serait le gars que je viserais par Marc Bergevin parce que je pense pas qu'il va coûter une fortune. Pour moi, avoir un deuxième gardien de but qui aurait de l'allure, je serais prêt à investir peut-être 2 millions max. Mais il y a une affaire, par contre, là, c'est une théorie de loin, ça, JF, là. Les Panthers à Floride, eux autres, ils ont un plan. Ça me surprend qu'ils ont repêché Spencer Knight parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Sergei Bobrovsky avec les Panthers à Floride. Avec tous les changements qu'ils ont fait, eux autres sont all-in, ils veulent Panarin puis ils veulent Bobrovsky, les deux back-to-back. Ça dit qu'il faut que tu échanges un de tes goalers. Tu as Jason Reimer, que tout le monde s'en calisse, fait que c'est sûr que ce gars-là, personne ne veut de lui. Ouais. Puis tu as Roberto Luongo qui doit prendre une décision dans les prochains jours. Peut-être aussi que Luongo, il s'est fait dire tu pourrais être échangé, mais il faut que tu confirmes tes intentions. GF à 40 ans, Luongo, qui... Golden Knights, GF, qui repêche Peyton Krebs, que tu t'avais classé beaucoup plus haut. Ouais, il était septième sur ma liste. C'est un centre, 5 pieds 11, 183 livres. Puis ce petit Krebs, vient de Calgary, Alberta. Vote conservateur. Ouais, c'est ça. Moi, je disais que c'est un playmaker, puis je le comparais à Barzal. À Matthew Barzal, comme Sportsnet dit. Ses forces sont que c'est un très bon passeur, son premier pied. Et pour améliorer, shoots first mentality. Ah, parce que probablement que c'est un gars qui essaie de trop passer au lieu de tirer, en fait, ça. Ça semble être un problème d'un joueur qu'on avait à Montréal, ça, avant. Ouais, ouais, ouais. Un gars qui tirait pas. Ah, ben, de potentiel de Darnay. Darnay, ouais. Darnay qui cherchait toujours la passe de trop. Puis c'est un potentiel top 6 de centre. Ouais. Top 6 centre? Ben, elle voulait dire qu'il pourrait jouer ses deux premiers trios parce que sinon. Ah, top 6 joueurs de centre. Ouais, ok. Sinon, ça ferait dur à Nestie. C'est comme Chris, il va jouer comme. Ah, c'est clair qu'il va faire une des deux premières lignes, soit dans la Ligue nationale ou bien. Es-tu blessé? Il marche du croche, là. Ses souliers sont neufs. Non, mais comme j'ai mal, j'ai une malformation. Ah, si, ben c'est ça, il a pas cassé ses souliers. Ça serait n'importe quoi pour vrai. Mais il a l'air d'être comme blessé au genou. Hein, ben, c'est ça, il s'est fait faire une initiation, là. Il est comme, oh fuck, les gars, j'étais pas prêt à jouer. Je m'attendais pas à ça. Je me suis rendu direct homme. C'était vraiment weird, cette situation-là. J'ai jamais vu ça à date. Un joueur qui bouette en rentrant à se faire repêcher. Ben, ça se peut qu'il a jamais engourdi. Parce que lui, il pensait sortir 7e, puis il a peut-être pas bougé. Il a engourdi, pas engourdi, là. Quand tu vas au cinéma, puis tu sors de voir Endgame des Avengers, t'es-tu engourdi de même? Ben, moi qui étais nerveux, puis qui était assise là depuis midi. Tu sais qu'il y a une petite crotte dans ses culottes, puis il faut pas qu'elle tombe aussi, ça se peut. Une petite goutte, puis il voulait pas. J'ai des pantalons à part, je veux pas que ça paraisse. Mais c'est ça, Jeff. Toi, Luongo, à 40 ans. Là. Il a-tu 40 ans là? Ouais. Son père pleure à gauche. Mettons là, que les Panthers te disent, garde, on te donne Luongo, mais on va te donner. De quoi de bon en plus pour Luongo? Tu ferais-tu le mot pour seconder Carey Price? Ça dépend que ça coûte. Là. Pas grand-chose, vraiment rien. Maintenant. Ben là, rendu là, oui. Là, tu peux... En plus, il vient avec une publicité pour Ellen Shoulders, c'est correct. Puis la villa italienne va capoter. Suffered torn Achilles during off-season. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Ah, OK. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que le monde a... Mais c'est pour ça qu'il marche tout croche. Choqué un peu pendant le repêchage. Parce que le tendon d'Achille, c'est long à guérir, ça. Oui, mais c'est la saison morte puis le gars est encore jeune. Fait que ça se guérit très bien à cette heure avec des bons docteurs. Là. Alors, Peyton Krebs... On arrive au 18e rang et également au fond de ma bière, Jeff, avec les Stars de Dallas qui vont aller repêcher. Il nous en reste 3 pour notre repêchage de ce soir. On va se rendre à un genre de 2 heures de podcast. Ben du monde qui broille dans la foule. Probablement son frère. C'est qui ça? C'est soit son frère qui est bien content ou un joueur qui s'attend à être repêché et qui pleure parce qu'il n'est pas repêché. Ça a l'air d'être son frère qui était ouais, ouais, ouais, ouais, sûrement ça. En tout cas, je l'espère. Je l'espère pour lui. Voilà. Fait que. Peut-être que son frère est content parce qu'il a été repêché à Vegas puis dans sa tête, il voit juste son été passer. Ouais, c'est ça. Tiens, ça va à Vegas. Très peu de trade de GF cette année. Il s'est juste passé l'échange tantôt de les positions. L'échange mais... de choix, comme si on était avec ici puis on se fait dire, ah, finalement, c'est. On dirait que c'est le bingo. Mais le il me semble qu'à chaque année, on se dit ça. Puis après ça, on est comme. Ouais, mais les trades, ça va arriver le 1er juillet, puis finalement, il se passe à rien ou à peu près pas. Là, c'est... Écoute, ben là, c'est parce que cette année, c'est pratiquement impossible qu'il se passe de quoi, parce que beaucoup d'équipes sont en marde côté masse salariale. Ouais, ils vont chercher à se débarrasser de contrats. C'est justement, ça se peut qu'on nous autres, on ait signé des gros gars parce que, tu sais, le monde chialait sur Bergevin. T'as 12 millions sur la masse, tu le prends pas. Qui est pas dans la marde cette année? Le Canadien de Montréal. Et voilà, mais par contre, JF, parce que là, le seul défenseur de talent qui est fort sur le marché des joueurs autonomes, c'est Jake Gardiner. T'as pas personne d'autre après. Ouais, mais tu peux quand même absorber un contrat, genre de Gusty Bear, parce que t'as beaucoup de place à la masse. Ben moi, c'est ça que je pense, que le Canadien a une opportunité d'aller chercher un... aider une équipe à libérer de la masse. C'est un peu comme Jacob Trouba. Les Jets, ils étaient dans la marde, ils ont changé un estime bon défenseur. Puis, écoute, les Rangers n'ont pas payé une fortune pour, ça leur a coûté leur choix de première ouais, ronde. Ouais. Puis un défenseur modeste. Canadiens, ils ont énormément de surplus d'alliés. On va voir. Je l'espère que ça va bouger un peu d'ici le 1er juillet. Parce que moi, dans le fond, là, c'est Noël ces temps-ci de l'année. Là. Le Canadien prépare leur club pour le mois d'octobre. Puis ça se passe tout le temps là. Depuis que Marc Bergevin est là, c'est maintenant ou jamais. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu sais, des fois, on s'attendait à Pacioretty ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis je pense qu'on a passé tout l'été, l'année passée, à parler de Pacioretty. Finalement, il a été échangé quasiment une semaine avant le début du camp. Puis la patience à Bergevin a rapporté parce que ce qu'il y a eu en retour est incroyable. T'sais, on vous rappelle que Nick Suzuki a gagné le trophée MVP du meilleur joueur du tournoi de la Ligue d'Ontario. Ils ont même réussi à faire l'impossible. Ils perdaient 3-0 dans une ronde. Si on montait ça à 4-3. Ça dépend aussi de ce qu'on a de besoin puis à quel point ils peuvent attendre. Puis ça dépend des moves de d'autres équipes qu'eux aussi attendent. Fait que c'est une grosse chaîne tout ça. Là. C'est pas... Mais comme pour moi, les équipes qui veulent se débarrasser de contrats... C'est pas juste Bergevin qui attend que... Pour faire de quoi? C'est... Il attend après les autres teams pour qu'il accouche et qu'il voilà, prenne une décision. C'est ça. Fait que tout le monde est un peu comme sur le gun. Pis... C'est qui le papy qui était? Je sais pas. Bob Gagliardi, Star Senior Owner. Ah, OK. Fait que c'est lui qui a dit que... Oh. C'est-tu lui qui a dit que Jamie Benn et Tyler Seguin, c'est tous des tabanas qui font rien? Thomas Harley de Syracuse, New York, 6 pieds 393. Pis Thomas Harley était considéré comme un bon défenseur aussi. Défenseur au 18e rang qui est repêché par les Stars de Dallas. Il était 14e dans la liste de la presse. Fait que, écoute, un autre défenseur qui quitte. Tu vois, on fait bien, Jeff, d'arrêter au 20e rang parce que notre auditoire descend. Les gens étaient pour le Canadien de Montréal, Canadien, effectivement. Puis on vous rappelle qu'on était un podcast avant tout du Canadien de Montréal, puis moins de la Ligue nationale, plus du Canadien. Fait que... On est juste là au cas où que le Canadien bouge pour aller chercher un autre choix de première ronde. Parce que une transaction qui peut être fort possible aussi, c'est que le Canadien échange leurs deux choix de deuxième ronde pour un choix de première ronde. Mettons qu'un joueur qui veut absolument, puis qui dit « ça prend ce gars-là », ça peut être possible. Comme ça se peut qu'on repêche deux choix de deuxième ronde demain comme prévu. Fait que, écoute, on va voir. Moi, des fois, je dors pas style la nuit parce que je suis sur Twitter pour tenter de trouver des théories puis des possibilités. Mais moi, si j'ai une liste d'épicerie à faire, ça prend un gardien de but numéro 2. Ça prend aussi un défenseur gaucher pour amener beaucoup plus de profondeur présentement. Puis, le souhait, c'est d'avoir un défenseur qui va être capable de manger des minutes pour jouer avec Weber. Ce qui va te permettre de mettre Mété sa deuxième paire et Brett Kulak sa troisième. Et puis, comme ça, ça va donner aussi le temps à Romanov de se développer puis se joindre aux Canadiens, ce qui pourrait arriver peut-être d'ici un an. Et puis, ça prend aussi un attaquant pour marquer des buts, un poteur pour la crisser dedans. Je crois que Andrew Shaw est facilement tassable sur le top 6. Il joue avec Domi Drouin pendant une bonne partie de la saison. Ça a super bien été. Mais je pense qu'on serait en mesure d'aller chercher un joueur pour compléter ce top 6-là. Mon choix, mon rêve, c'est Nicklage Hellers des Jets de Winnipeg qui sont en besoin d'échanger des attaquants pour signer leurs joueurs le plus rapidement possible. Parce qu'il y a aussi le stress du fait que leurs joueurs avec restriction autonome. Mais après, à partir du 1er juillet, les autres équipes peuvent faire des offer sheets dessus. Fait que les Jets sont comme... Alors, Ehlers, pour ceux qui ne le savaient pas, il jouait avec Jonathan Drouin, il a joué avec McKinnon et en plus, il était coaché par Dominique Ducharme. Ah, ça serait voilà. Un fit intéressant à Montréal. Il n'a que 23 ans puis il lui reste 6 ans à son contrat de 6 millions. Le Canadien a les moyens d'aller le chercher. Même chose pour Shane Gillisbear, que j'aimerais, si ça serait un don du ciel qu'on aille chercher ce gars-là, on a les moyens de le payer aussi parce qu'il n'est pas trop cher payé. Parce que Gardiner, c'est dur à dire rendu là combien il va valoir. Il va-tu valoir 6 millions? Il va-tu demander 7? Écoute, avec l'argent et les bonbons que les DG donnent comme ça, aucun esti de bon sens, les gars peuvent peut-être penser rêver puis aller chercher le gros lot pendant 7 ans de temps. Gardiner pour 7 ans, non. Je veux rien savoir. Moi, dans ma tête, ça serait un contrat de 5 ans à 5,5 millions comme Petrie, puis ça ferait bien mon bonheur. Mais écoute, ça va être à suivre avec intérêt, JF. Les pauvres sénateurs qui repêchent en deux minutes au 19e rang, qui ont signé Duclair cette semaine. Oui. Puis écoute, je ne suis même pas surpris que les sénateurs d'Ottawa repêchent Raphaël Lavoie. Ah ouais? Ils sont épais. On va voir dans une minute 50 ce qui va se passer. Ils sont épais, puis les autres, ils vont se dire « Ah, si, on va faire compétition canadien, on va repêcher plus de Québécois. » C'est à voir, c'est à voir. Parce que c'est pendant toi, qu'on voit Pierre Dorion qui a l'air content. Moi, la manger. Tu vois, j'ai un choix de première ronde, finalement. Ben, les sénateurs d'Ottawa pourraient aussi fort possiblement être les futurs Nordiques de Québec parce que le propriétaire, c'est un épais. L'équipe va nulle part. Martin et Jen 11 qui espèrent aussi que le ghost de Philly s'en vient avec les Canadiens. Ah, ça serait un ça serait tellement là. Si moi je capoterais. Est-ce que ça sera le fun de la prochaine saison? C'est tellement hypé là. Parce que dans le fond, tu aurais, mettons, ton top 4 à défense, tu aurais Gillisbear avec Weber, puis après ça, tu crées Mythic Petrie. Ouais, ouais. Puis si, mettons, mon autre théorie faite qu'on va chercher Christopher Letang, ça serait Gillisbear, Weber, ensuite Mythic Letang. Très bien ça. Mais je serais capable de vivre avec Petrie aussi. Ah, Petrie n'a pas mal fait l'année passée. Ah non, écoute, il a fait même quasiment 50 points. J'ai pas un mot à dire. Il connaît le club. Les gars l'aiment bien. Il y a une succursale de la SQDC pas un chez eux pour sa petite puff Petrie. Ben oui, puff Petrie, c'est vrai. Il est bien Montréal. Il y a une moustache de père à cette heure. Fait que c'est... Ah oui, le vendeur de Sears. Fait que les sénateurs d'Ottawa, qui malgré toute la merde qu'ils ont fait... Les sénateurs qui ont acquéri 5 draft picks en échangeant Matt Duchene, Ryan Dzingel et Mark Stone. Fait que là... Alors, on se remonte les culottes et les sénateurs s'en vont vers le stage pendant que je remets ça en duplex. C'est drôle parce que dans le fond, ils se lèvent debout. Ça fait comme, mettons, depuis le matin que les gars sont ensemble. Puis là, ils disent, OK, on s'en va repêcher. Puis ça la main à son partner. Ils disent, OK, là, on y va pour de vrai. Là. C'est le temps, là, c'est le temps. C'est la vraie affaire. Fait que mon souhait, JF, ce serait que Raphaël Lavoie soit repêché à Ottawa. Ah, juste pour le LOL. Juste pour montrer TVA Sport. Dit, ah, tu vois, les sénateurs, ils n'ont pas eu peur de repêcher des Québécois. comme si Ottawa était une équipe du Québec, tu sais. Puis, ah, c'est Brady Kachuk qui est là. Regardez, Gaillard. Je fais juste ça, le regarder. Puis lui, là, pour ces gars-là, mettons que les joueurs qui assistent au repêchage, est-ce que ça doit être plate pour eux autres? Moi, je suis sûr, est-ce qu'il a passé son temps sur son cellulaire à checker tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux? Je pense qu'on drop de mic et on s'en boule. Ça n'a juste pas de bon sens. Et il attache son bouton ici. Pierre Dorion. Alors, sénateur General Manager et imbécile de service. On va prendre des élèves. Tied for last in NHL with 11 road wins last season. Ah, voilà. Ben, tout un club. C'est une de la domination. Et le choix des sénateurs d'Ottawa sera... C'est dur. Et voilà. Chris, est-ce que t'as prêt à dire un discours? Ben ouais, il a l'air poigné. C'est même pas lui qui fait le choix. Non, c'est Kachuk. Ah, Chris, ils ont copié le Canadien. C'est Shea Weber qui avait nommé le joueur. Puis là, ils ont demandé à un enfant. Chris, il ressemble au... Brady Kachuk. Lassie Thompson. Ah, un défenseur. Le Lassie. De Grant McGrath, qui avait prédit que le Canadien aurait pêché Lassie Thompson. Sur sa photo, il y a un gros bouton en bas de la lèvre. C'est ça où il a été coupé? J'espère que c'est pour lui qu'il a été coupé, là, parce que c'est ça, c'est honteux. Fait que les sénateurs qui... Surprenant quand même, un défenseur qui s'en va de 6 pieds 186 livres, qui vient de Tampere en Finlande. Lassie Thompson. Ils disent que le gars pourrait être un coup de circuit, là. C'est tout un shot pareil, hein? comparable à Ryan Pollock, je ne sais même pas c'est qui. Mais c'est un défenseur qui a beaucoup de lacunes, qui disent. Variété of shot, OK, mais edge work, c'est quoi ça veut dire, ça? Edge work, c'est... C'est qu'il travaille bien le long des bandes. Ah, peut-être. Pourrait améliorer sa créativité et top potentiel de deuxième paire de défenseur. C'est un gars de deuxième paire. Ça, ça drop vite pour 19e rang. Là, que... Il, c'est pas un... Je sais pas. Bah. On a eu 15-16 bons choix. Fait que ça se peut. Ça fait du sens, en fait, que ça drop, là. Non, c'est ça, parce que rendu là, tu sais, des fois, tu peux avoir des joueurs qui étaient classés au premier rang puis que finalement, ils sortent en deuxième ronde. Puis c'est ça qui est triste, parce que des fois, tu as des familles qui sont là, qui sont dans les estrades, puis qu'eux autres, ils espèrent sortir en première ronde puis qui n'ont pas été appelés. Eux autres, là, ça pleure à l'hôtel, puis le lendemain, finalement, ils sont repêchés. C'est là, clair. Ils sont comme un peu soulagés, mais tu sais, c'est pas agréable pour un jeune qui prévoyait, qui espérait sortir au premier rang, puis que finalement, il sort deuxième. Ce qui doit être vraiment le pire, c'est quand tu regardes les prédictions qui s'en viennent, puis comme tu es dans le top 10, top 15, puis tu sors pas en première ronde, tu dois être démoli chez vous après, ben, ou à l'hôtel après ça. Là. Ah, ça, c'est sûr et certain. Puis le PPPP, c'est quand tu as fait le voyage, puis tu passes à être repêché au moins les 7 premières rondes, puis finalement, tu es pas repêché partout. Puis ça, il doit y avoir à tonne de ça, là, des joueurs qui sont pas repêchés. Ah, ça arrive tout le temps. Puis après ça, tu as les équipes de hockey qui vont les inviter à des camps des recrues ou de perfectionnement. Ouais, ouais. Puis s'ils font bien, ben ils vont avoir peut-être un contrat qui va être offert par l'équipe qui a été invitée. Fait que tout est possible rendu là. C'est arrivé à plusieurs reprises à des Québécois. Puis on voit des photos de Lassie Thompson d'un Pee-wee. Et voilà. Dans deux lettres, ça, j'espère? Probablement. Puis voilà, 20e rang et qui sera probablement notre dernier choix pour ce soir du GF. C'est pour toi, ça. C'est pour toi, Matt Lamar. Le choix Jets. Au repêchage qui ont été recherchés dans les charges de Jacob Trouba. Je te souhaite, Raphaël Lavoie. Fait que les Jets de Winnipeg qui vont repêcher dans 2 minutes 30. Comment t'as trouvé le repêchage, GF, cette année? T'as bien? Ouais, c'est correct. Pas beaucoup de... Pas beaucoup d'échanges, pas beaucoup de surprises, en fait. Là. On n'a pas, mettons... Montreal n'est pas one qui est encore sous le choc de Caulfield. C'est un Christy de bon pic, pour vrai. Je suis content cette année. C'est une bonne affaire. Là. Ben oui, c'est sûr et certain. C'est une très bonne nouvelle. Notre banque de prospects commence à être bien garnie. Là. Oui, et puis j'ai bien hâte de voir tous ceux qui vont chialer sur le choix de Caulfield. Ben, ils vont chialer sa grandeur en partant, mais c'est pas ça qu'il faut se regarder. Puis le fait que c'est un Américain et pas français. Je suis certain que je vais aller des affaires de même. Pour vrai, là, ah, c'est sûr que des réseaux sociaux... Il y a de quoi. Je salue Alex Combe en passant. Bonsoir. Allô. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Il dit is watching. Bon, ben voilà. Arrive à la fin comme d'habitude. Ben oui. Vraiment bu son petit verre de lait. Bonnes vacances. Ben, ouais. Monsieur l'enseignant. Le prof en vacances, voilà. On retrouvera toute l'équipe de la soirée du podcast pour la saison officielle. Après le pic des Jets, je vais vous parler de ce qui s'en vient pour LSDP dans la saison qui s'en vient, en fait. Pas de problème. Puis juste une chose. C'est le premier épisode de la saison 2019-2020. Check ma liste, Jeff, puis je comprends pas. Les livres, ils repêchent à quel rang? Jamais. Ils ont échangé leur choix de première ronde. Pour vrai? Ils n'ont pas de choix de première ronde. Qu'est-ce qu'il y aurait pu, en plus? Mais déjà qu'ils n'ont pas de profondeur. Puis qu'il faut qu'ils échangent tous leurs bons jeunes joueurs de 22-23 ans parce qu'il n'y a pas un moyen de les payer. Ça s'appelle une mauvaise gestion. Ça s'appelle diriger sous le corsi. Et voilà. Alors, Kevin Cheveldayoff. On remet en duplex pour une dernière fois. Qui va aller chercher Raphaël Lavoie. Ça me surprendrait pour vrai, là. Ah, je trouverais ça drôle. Alors qu'on voit Cisco et Ebert dans la foule. Bon. Moi, je le veux pour Matt Lamar. Je veux... que Raphaël Lavoie s'en est à Winnipeg pour mettre la mort. Puis la raison pour que je dis ça, c'est parce qu'à Winnipeg, c'est une ville extrêmement froide. C'est une ville qui est extrêmement... Je pense que quand tu vas là, c'est pas le party. Là. Non, c'est très aride. C'est très aride. Fait que je pense que c'est comme si Raphaël Lavoie, à cause de l'effet karma l'envoie dans la ville... genre la c'est... plus plate de la Ligue. Ben, c'est ça, c'est comme un peu le Fargo de la Ligue nationale de hockey. Des champs de neige, puis c'est tout. Ah ouais, avec Steve Buscemi qui se fait couper des jambes. Fait que, non, spoilers, c'est-tu? Ben là, 96. Fait que, ça serait mon choix pour les Jets de Winnipeg. On va voir, ils vont repêcher dans quelques instants l'état-major ça vient sur le stage. Ah, Chris, je l'avais pas vu souvent, ce chandail-là, avec le mot « jet » écrit en lettres attachées. C'est pas lettre. Pas lettre, pas lettre. Pas lettre, pantoute. Mais voilà. Je m'ennuie du chandail classique des Jets de Winnipeg dans le temps de Timo Selänne. Kevin Cheveldayoff. What the fuck? Cheveldayoff, c'est ça son nom? Ouais. Cheveldayoff. Cheveldayoff. Cheval de la journée de congé, c'est bizarre. C'est un gars de Val d'Or. Repêcher la voie avec Suzuki de disponible serait une grosse erreur, effectivement. Alors, on va voir qui va repêcher par les Jets. Alors, l'homme aux cheveux blancs. Marcel Comeau. Probablement Marcel Comeau. Lui, il a du véhicule dans la face. C'est drôle parce que, dans le fond, son choix est sur son bout de papier. Ville Heinola. Heinola. Honkajoki, en Finlande, 5 pieds 11, 178 livres. C'est un défenseur, Jeff. Matt, ton équipe, c'est pas des épais. Au moins, ils n'auront pas été chercher l'autre. Raphaël Lavoie. Ah, mais Lavoie pourrait sortir 21e. Beaucoup de monde prédisait que les Penguins de Pittsburgh allaient chercher Lavoie. Moi, GF, je te dirais juste pour voir, parce que la prédiction, c'était Lavoie, là, on finit avec les Penguins de Pittsburgh. OK, on peut se rendre jusqu'à la pause, probablement, là, qui s'en vient. Là. Sauf que si c'est une pause, fuck that shit. Ouais, si c'est une pause, on va vous couper ça straight pipe, anyway. Fuck Lavoie, end of the show. On voit que Heinola a eu beaucoup d'acné faciale. Peut-être pour ça qu'il a fait peur à du monde. Il fait non, lui, il va coûter trop cher en assurance. Heinola, give me the puck. On compare à Miro Haskanen. Ses forces sont l'agilité et le mouvement de la rondelle pour améliorer sa vitesse et son positionnement. Top 4 de défenseurs. Et Haskanen, c'est un excellent défenseur qui joue pour les Stars de Dallas. Présent. Voilà. Dans la rumeur, quand dans le temps que Carlson était supposé être échangé, les Stars étaient dans le coup. Puis les Sénateurs insistaient pour avoir Haskanen. Les Stars, ils ont dit « fuck you ». Puis je pense que c'est une bonne décision. Alors, bravo à un autre Finlandais qui se joint à la famille. Sa mère qui n'a pas l'air si contente que ça, là, dans le coin. Là. C'est comme tabarnak. Pas pour faire déménager à Winnipeg. Pas Fargo, calice. Je voulais le sud. Pogné dans le nord. Mais écoute, il va rejoindre Patrick Laine dans la famille des Suédois. Lui, avec, il a l'air semi-content. Hein? Je sais pas. Mais c'est là que tu vois, tu as des joueurs qui sont comme force le sourire. Puis t'as des gars comme tantôt qu'on a vu, lui qu'on a repêché, ou Kanyemi qui ont le gros smile dans la face. Là. Mais c'est parce que, genre, t'en as qui sont déçus de l'équipe qu'ils ont repêché? Clairement, je suis sûr que... Ben, t'es repêché dur. À la Ligue, fait que tu sais. C'est ça l'affaire, je sais pas c'est quoi le sentiment quand tu vas pas dans l'équipe que tu veux, mais que t'es repêché pareil, tu sais. Comme la voix, je sais pas comment il se sent présentement. En même temps, c'est peut-être juste sa face naturelle. Resting bitch face. Là. Mais tu sais, c'est peut-être un gars qui est réservé, tu sais. C'est ça, c'est peut-être un introverti. Un petit gêné. Là. Joue beaucoup à Fortnite, par exemple, en ligne, en bois chier. Le God of Thunder. Voilà. C'est lui, quoi qu'il s'appelle donc, Strychnine. Ah, ça, je m'en rappelle plus. Je sais quoi tu parles. Faudrait qu'on aille le voir au cinéma. Faudrait écouter la jasette, en fait. Fait que, à date, dans les positions qui ont été repêchées. Pittsburgh, donc ce sera pas après la pause, donc on pourra finir sur Pittsburgh. Hey, il y a 8 défenseurs, Jeff, qui ont été repêchés dans le top 20 jusqu'à maintenant. C'est 7 fou, hein? Centres, un ailier gauche, 3 ailiers droits et un gardien de but. Et ouais. Aucun Québécois dans le top 20. Est-ce que vous êtes surpris? Non. Non. Pas, en tout cas, pas moi. Puis Caulfield, c'est quelle position? Qui est lui, tabarnak? Caulfield, c'est un right wing. Ben justement, on a une faiblesse à la droite. C'est comme Cole dit, tu peux être content d'être dans le draft, mais déçu, genre tu vas aller à Anaheim dans le sable, puis tu te ramasses à Winnipeg, t'es un peu off, ça se peut. Là. Louis-William Gagné, je te souhaite un bon show. Je pense qu'on a fait un travail honnête. Alors, bonne écoute. Il dit qu'il va venir nous écouter notre show en différé. Il vient juste d'embarquer sur Twitter. Ben ouais, je sais pas en différer à quel point c'est pertinent, mais je pense qu'on donne beaucoup d'infos dans une soirée de 2h30 comme ça, JF. Là. Ah, c'est quelque chose pareil. C'est de l'ouvrage. T'étais très bien préparé parce que moi, j'ai rien collé avant ça. Fait que je suis arrivé ici, les yeux... Je vais faire un bord de dos, maintenant. Ouais, on va être... Mais on peut être satisfait du travail aussi de Marc Bergevin puis du choix qu'on a eu avec Caulfield, je pense. Là. Comme je répète encore, une bonne banque de joueurs qui s'en viennent dans les prochaines années. La Coupe en 2023! Ça s'en vient. C'est dans 4 ans. C'est... 3 ans, mais. Mais 2022-2023. On finit en. Là, ça va être la Coupe de 2020, dans le fond. Fait 2020, 2021, 2023. 4 ans. 4 ans. C'est la bière qui parle. Kofi va être là. Kofi, Suzuki. Ouais. Kakanimi va être plus gros. Quand Weber va être rendu coach. Romanov va être là. Weber aussi. C'est quoi le nom du coach dans Slapshot, là? Reggie Dunlop, ouais. Le joueur entraîneur Reggie Dunlop. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Ça s'appelle ça aux jeunes, ce singe. C'est Paul Newman. Reggie Dunlop. Comment détruire une carrière d'un acteur prolifique? Fait que dans le fond, Jeff, on est chanceux, il n'y a pas eu de pause. Non, fait qu'on va vraiment finir sur les Penguins de Pittsburgh dans 40 secondes qui vont aller repêcher au 21e rang de ce repêchage 2019. Alors, jusqu'à maintenant, il y a eu 8 Américains qui ont été repêchés, 5 Canadiens. Fuck. Je suis brûlé, c'est beaucoup de Finlandais, en tout cas. Ouais, beaucoup de Finlandais, beaucoup de Canadiens et beaucoup d'Américains. I'm not made a pick. C'est vrai, parce que les Penguins de Pittsburgh, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un choix de première ronde. Le seul choix de première ronde qu'ils ont eu dans les 5 dernières années, c'était Kasperi Kapanen, ouais, qui ont échangé aux Leafs en retour de Phil Kessel. Puis présentement, les Penguins payent le prix parce qu'ils n'ont aucune profondeur pour remplacer leurs joueurs vieillissants. Voilà, voilà, voilà. C'est triste. Alors que les Pingouins, le temps est écoulé, se dirigent vers le stage pour le 21e choix. C'est ça, c'est repêchage. Dominic Cahoon. Fait qu'ils ont été chercher un attaquant, ils ont perdu un défenseur. Dans le trade avec Olimata. Ils vont-tu aller chercher un défenseur ou un genre de Raphaël Lavoie? C'est bon. Tu le nommes à toutes les crises de position, lui-là. Ben, tu sais. Parce que tu as du mal à une équipe qui va le repêcher, c'est ça? C'est... Pourquoi le Canadien a repêché Cole Caulfield? Sad Naz. Parce que le Canadien a repêché tout simplement le meilleur joueur disponible au 15e rang. Le joueur avec c'est le plus un de marqueur talent naturel qui pourrait avoir une très belle carrière dans la Ligue nationale. Avec de hockey. Des bonnes mains. Surveille ce gars-là, tu pourrais être surpris. C'est peut-être le prochain Johnny Gaudreau. Un petit joueur, petit gabarit, mais un très bon joueur offensif. C'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sad. Patrick Alvin, il est mort à l'intérieur, clairement, lui. C'est... Mon Dieu, il ressemble à... Samuel Poulin de Blainville, le premier Québécois repêché. Poulin a shifté Raphaël Lavoie, qui était classé meilleur Québécois. Tu vois, Spier 212 livres, c'est un gros gabarit de joueur, ça, pour un right wing, donc un ailier droit. Ah, fait qu'il joue pour les Phoenix de Sherbrooke, l'équipe qui a manche à balai, que je disais en début d'émission. Ouais, ouais, ouais. Fait que, écoute, peut-être que c'est lui qui faisait les initiations, on sait pas. On sait pas. Vraiment, je suis content. Parce que je pense que ça, c'est une claque sa gueule pour Raphaël Lavoie. Surtout pour Yvon Penneau, parce qu'il voyait Lavoie comme un choix assuré pour le Canadien. Écoute, JF, je vais me mouiller. Et je crois que Samuel Lavoie va sortir en deuxième ronde. Ouais? Ouais. Tu penses, ouais. Puis je pense que le Canadien va aller le chercher en deuxième ronde avec un de ses choix, parce qu'ils vont prendre un guess avec. Ouais, puis rendu là, c'est un guess comme un autre. Là, c'est pas, Tu t'en fous rendu là. T'sais, avec deux choix, je pense que tu peux prendre une chance sur Raphaël Lavoie. On nous dit que le gros JC Lajoie va être déçu. On s'en fout de JC Lajoie. JC Lajoie. Lajoie, c'est un populiste. Écoute, c'est un gars qui est proche du peuple, mais il connaît rien. C'est ça, le gars, il écoute. T'as juste regardé comment il est. C'est clairement pas un sportif. Puis en plus de ça, son fils, il est gardien de but pour une équipe de hockey. Lui, c'est genre l'équivalent du l'ancien maire à Chambly, mais en beaucoup plus épais. Genre, il est plus gros. Poids. Ça aurait été dit. Et voilà. Fait que bravo. Premier Québécois à sortir en ce repêchage 2019, le jeune Samuel Poulin, qui était pas classé premier défenseur. Premier Québécois à sortir. Finalement, c'est lui qui sort. Poulin, une machine, joue déjà comme un pro. Et il se sert beaucoup de son cabaret. Il sera peut-être pas une vedette, mais j'ai de la gabarit. Misère à croire qu'il percera pas. Louis-William Gagné. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un bon choix pour vrai Poulin. Spier 212 livres, c'est un très gros gabarit pour un joueur de cet âge-là. Là. Il doit avoir 18 ans, là, 2001. Oui, puis Samuel Poulin, si je me fie... Écoute, il était classé 30e. Par la presse. Fait que le gars a sûrement impressionné au combine. Mettons, dans le dernier mois, les gars ont été emballés par ce qu'ils ont vu. Fait que c'est intéressant de ce côté-là. Alors qu'on s'en va à la pause ici. Ouais, fait que Jeff, c'est maintenant. C'était exactement ce qu'on voulait. Et voilà. Le timing. On va aller jusqu'à la fin alors qu'on voit les réactions des parents et des frères, des repêchés. Tout le monde est très content de ça. Jeff, c'était notre repêchage 2019. Yes. Bravo. Bravo. Beau travail encore une fois. Tu as été très tight sur tes prédictions. Tu as inversé souvent une position ou deux. Là. La beauté du repêchage. C'est ça. Puis malheureusement, pas eu beaucoup d'échanges cette année. Pas eu beaucoup de surprises, en fait. Mais voilà, c'est ça. Le repêchage. Le meilleur est à venir pour les trades. Ouais. Toujours imprédictible. On ne sait jamais ce qui peut se passer pour le repêchage pendant que je me prépare comme ça. Voilà. Puis donc. Continuez à nous suivre sur Facebook et Twitter. Facebook, la soirée du podcast. Twitter, @soirée du podcast. On est sur Instagram aussi. On va stepper up notre game d'Instagram avec la saison qui s'en vient. Martin et Jen 11 qui dit bel job, les gars. Merci beaucoup. Merci, Martin. Merci beaucoup à tout le monde qui ont été dans le chat Facebook puis le chat Twitch. C'est toujours un plaisir de vous parler. Puis merci d'avoir été là. Ça agrémente beaucoup la soirée du podcast d'avoir des commentaires en direct comme ça. Les gens sont respectueux, les gens sont connaissants puis les gens sont passionnés de hockey. Puis comme nous autres, on adore ça. Et puis, ce qui s'en vient, JF, là, c'était l'épisode numéro 97 de la saison 2019-2020 de la soirée du podcast. L'épisode 100 s'approche à grands pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que, d'après moi, fin juillet, début août, on va faire l'épisode 98 qui va être un genre de recap de où en sont les équipes après le repêchage, où en sont les équipes après le 1er juillet. Mm-hmm. On aura l'épisode 99 qui sera l'épisode spécial des poolers, comme à l'habitude, au mois de septembre, pour un peu vous guider dans les choix de pool et ne pas gagner vos pools avec les prédictions à JF ici. Je vais m'assurer de terminer encore dans les derniers pour LSDP. Et on tombera sur l'épisode 100 de la soirée du podcast pour le premier épisode de la saison probablement ou juste avant que ça commence ou quelque chose du genre là, début octobre, mi-octobre, quand ça va commencer, on va être sur l'épisode 100. C'était officiel, JF, le premier match de la saison du Canadien de Montréal va se faire contre Détroit. Nice, nice. Peut-être qu'on pourrait faire un live en public, je sais pas. Il faudrait regarder qu'est-ce qu'on fait pour l'épisode 100. À suivre. J'ai des contacts, mettons, dans les microbrasseries à Saint-Hubert ici. Là, fait que je pourrais peut-être m'arranger pour qu'on fasse un live. On regardera qu'est-ce qu'on fait ou on fera comme la jasette et on fera absolument rien de spécial pour l'épisode 100. Mais on reste toujours actif cette année pour vous. Donc, écoutez, merci d'avoir été là tout le monde. Puis moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 98 de la soirée du podcast. Bonne fin de repêchage et bonnes vacances tout le monde. À la prochaine. Ciao.